C'est pour que vous ne sachiez pas si j'étais pour venir là. Comment tu le veux dire là? Non, c'est pas ça que je te dis. J'aide de moi. Comprends-tu? Autrement dit, la vibration, je l'ai créée assez juste pour que vous soyez pas sûr si je t'ai provenu ou non. Autrement dit, je pars de moi. Entrons dans un âge où les centres de l'homme s'ouvriront et où l'intelligence de l'homme percevra des choses qui auparavant lui étaient totalement fermées. Puisque l'énergie contrôle le mécanisme des pensées en vous, il est évident que si l'on ouvre ou si l'on change les vibrations dans votre mental, pardon, vous pouvez commencer à recevoir des pensées qui sont totalement inusitées à l'échelle de votre psychologie humaine. Et si vous commencez à vous énerver avec ce matériel nouveau, vous allez accélérer en vous certains mécanismes, et vous allez souffrir pour rien de pensées qui énergétiquement sont fortes, mais qui ne sont pas ajustées à votre propre psychologie. Puisque l'homme nouveau qui vient verra les choses totalement différentes de l'homme ancien, sa psychologie sera totalement différente. Et on peut très facilement commencer n'importe quand avec vous, suivant le plan de vie que vous avez et qui vous est destiné, un travail qui doit transformer en vous la matière de votre mental inférieur pour la rajeunir et l'élever à un taux de vibration supérieur à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et lorsque l'on commence à avoir des pensées qui ne sont pas naturelles ou ordinaires ou qui sont un petit peu plus vastes dans leur conception, notre corps mental n'est pas habitué et nous subissons une très grande fatigue mentale si nous n'apprenons pas à réellement nous détacher de cette énergie ou de ces formes de pensée. Mais ça, ce sont des expériences que vous vivrez et que vous devrez supporter lorsqu'elles se présenteront. Je vous indique simplement la possibilité que ça se produise afin que vous ne perdiez pas d'énergie pour rien. Je vous assure que d'ici à 15-20 ans, toutes vos personnalités seront transformées. Vous ne verrez plus la vie comme vous la voyez aujourd'hui. Vous ne pourrez même plus penser à la vie de la façon dont vous y pensez aujourd'hui. Toute votre être-té sera altérée. Et ceci, lorsque ça commence, ça ne s'arrête pas. Vous avez l'impression des fois que ça marche et que ça arrête et que ça marche, mais ça fonctionne toujours. C'est pour ça qu'il s'agit pour nous, en tant qu'hommes, de pouvoir vivre notre expérience d'une façon stable, la plus stable possible, pour ne pas bouleverser notre environnement, pour ne pas bouleverser l'environnement qui nous nourrit, le travail, pour ne pas bouleverser l'environnement de notre famille, qui nous nourrit aussi sur le plan émotif et sentimental. C'est pourquoi nous devons intérioriser le plus possible notre énergie et ne pas la laisser éclabousser à l'extérieur et bouleverser la vie des autres. C'est ça la maturité. Je comprends que des gens n'ont pas la force, n'ont pas la résistance, la capacité ou la carapace qui leur permet de faire ça, parce qu'ils sont trop ils diffusent trop ce qu'ils ressentent. Mais c'est essentiel de garder ces choses en soi et de les discuter ou d'en parler avec des gens qui nous comprennent, et un point c'est tout, mais de ne pas faire de ceci toute une bouillabaisse. Plus le temps passe, plus vos vibrations changent. J'ai parlé cet après-midi du monde des esprits. J'essayais de le confronter au monde de l'homme sans l'annexer au plan de la lumière. Et j'ai fait ceci pour des raisons importantes. Pour faire comprendre à l'homme une fois pour toutes que le monde des esprits et le monde de l'homme sont des mondes similaires mais différents. Mais tous les deux sujets à l'évolution. Et j'ai voulu faire sentir et réaliser à l'homme que le monde des esprits n'est pas nécessairement, parce qu'il est le monde des esprits, supérieur en intelligence au monde de l'homme. Parce que ce que l'on appelle l'intelligence, le phénomène de l'intelligence, le principe de l'intelligence, qui est un principe cosmique, universel, traverse le monde de l'esprit comme il traverse le monde de l'homme. L'intelligence s'applique à l'esprit, elle ne s'applique pas à la matière. Bien qu'il y ait dans la matière de l'esprit, dont la manifestation est intelligente. Mais sur le plan mental, sur le plan de l'ego, le principe de l'intelligence descend et se manifeste dans le monde de l'esprit ou des esprits, comme il se manifeste sur le plan humain. Et il est extrêmement important pour l'homme de reconnaître et de savoir que le monde des esprits n'est pas nécessairement plus intelligent que le monde de l'homme. Que sa dimensionnalité soit différente, que son expérience soit différente, que sa vision des choses soit différente, ça je suis d'accord. Mais il y a dans le monde des esprits des lois d'évolution, comme nous avons sur le plan matériel des lois d'évolution. Autant l'expérience est importante pour l'homme sur le plan matériel, autant l'expérience est importante dans le monde des esprits pour l'évolution des égos spirituels. Il ne faut pas que nous nous contentions de croire que parce que nous avons affaire au monde des esprits ou qu'il y a des égos dans le monde des esprits qui communiquent avec nous, que ces égos ont sur nous une supériorité dans l'intelligence des lois du cosmos. Mais la compréhension profonde de ce que je dis vous viendra lorsque vous aurez suffisamment développé votre corps supramental ou votre corps supérieur mental pour être en harmonie vibratoire avec l'énergie qui vient du plan de l'âme. Et c'est à ce moment-là que vous verrez et que vous serez capable de déjouer les lois qui sont ou qui font partie du monde des esprits afin de vous rendre, vous, libre des formes dont se servent ou dont se sert le monde des esprits pour imprimer dans la conscience de l'homme une courbe quelconque d'évolution. Ce qui se passe sur la planète Terre fait partie de l'évolution de l'homme, mais est toujours dirigé d'un autre plan. Mais cet autre plan n'est pas toujours le plan qui doit servir l'homme lorsque ce dernier est arrivé au point où il doit fonctionner d'une façon totalement autonome et totalement libre en tant qu'agent sur le plan d'évolution. L'homme est inséré entre la lumière et le monde des esprits et il doit se sortir de cette insération. Il doit se libérer de cette insération parce que l'homme ne pourra jamais avoir accès à la science cosmique. Et la science cosmique, ce n'est pas ce que certaines personnes pensent ou ce que certaines personnes appellent la science cosmique. D'ailleurs, ce que les gens appellent la science cosmique, ça fait justement partie du jeu du monde de l'esprit sur l'homme. Toutes les écoles, toutes les données qui proviennent des écoles proviennent du monde des esprits. Ce qui vient de la lumière ne peut pas être traduit dans des mots, ne peut pas être fait, manifesté dans une école. Ce qui vient du monde des esprits peut être traduit dans des mots ou servi ou présenté pour le service de l'homme à l'intérieur d'une école. Il faut faire la différence, il faut la connaître, la différence. Sinon, on ne sort jamais de cette emprise dont se servent ces êtres pour l'évolution directionnelle de l'homme. Mais l'homme, à un certain moment, doit lui-même voir sa propre évolution et la connaître, et en connaître les limites et la potentialité, mais par ses propres forces personnelles, et non par le trucage directement lié à la loi du mensonge. Ça va loin, le monde des esprits. Et ça va loin, l'évolution de l'homme. C'est pour ça que les extraterrestres ne peuvent pas venir sur la planète Terre d'une façon officielle présentement, parce que l'homme est incapable de subir le joug de leur présence intellectuelle. Quand je dis intellectuel, je dis en relation avec ce qu'ils savent. L'homme est abruti par son émotion, par sa spiritualité. Il ferait de ses êtres des dieux. Les extraterrestres ont refusé de revenir sur la planète Terre en quantité suffisante et en permanence stationnaire, justement parce que l'homme n'était pas assez sage et pas assez mûr pour permettre que leur présence cesse d'être un vestige de son émotion. Et c'est pourquoi notre science sur la Terre est très retardée. Parce que nous avons qu'une collaboration à l'échelle mondiale avec ces êtres qui ont parcouru le cosmos et qui connaissent les lois de la matière. Ils ne peuvent pas travailler avec nous. Nous sommes extrêmement fragiles, les hommes, extrêmement fragiles. Et notre fragilité est fondée sur le fait que nous pensons des pensées qui nous sécurisent. Et je vous dis que tant que l'homme pense des pensées qui le sécurisent, il ne peut pas être dans sa propre énergie. Ça va loin, le problème de l'homme. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent comment me protéger de ci, comment me protéger de ça. Ils devraient apprendre à se protéger d'eux-mêmes. Se protéger de quoi? Se protéger de quoi? On se protège de ce que l'on craint. Mais l'on craint pourquoi? Parce que l'on pense à quelque chose de mauvais ou de pas bon. On peut pas vivre dans la crainte, que ce soit l'invisible ou le matériel ou quoi que ce soit, on peut pas vivre dans la crainte. Et on peut pas travailler avec ses forces dans la crainte, c'est impossible. C'est pour ça que toutes les pensées que vous avez qui vous sécurisent sont des pensées qui vous sécurisent, mais qui maintiennent en vous une crainte jusqu'au jour où vous aurez la force de détruire ces pensées, de détruire les formes de ces pensées et vous libérer de la crainte. C'est comme ça qu'on se libère de la crainte. On ne peut pas se libérer de quelque chose sans se servir de ce quelque chose pour s'en libérer. C'est avec le feu qu'on détruit le feu. Et la sécurité de vos pensées, vous ne l'aurez jamais, parce que plus vous allez avancer, plus on déjouera cette sécurité de vos pensées, le déjouera, jusqu'au jour où vous n'aurez plus de pensée personnelle, subjective, pour sécuriser votre émotionnel. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à comprendre l'infinité de la pensée cosmique et que vous pourrez à ce moment-là canaliser cette énergie et la répandre dans le milieu où vous êtes, soit dans votre langage ou dans votre façon d'agir. C'est pour ça que je dis toujours que l'homme ne peut pas parvenir à la conscience profonde de lui-même et toucher à cette énergie d'une façon concrète et réalisable, tant qu'il est entouré du mur de ses sentiments, surtout les sentiments spirituels, parce que ce sont les sentiments spirituels et les formes spirituelles qui sont votre plus grande protection. Et si vous regardez les grandes initiations qui sont vécues dans le cosmos, les êtres qui vivent ces initiations sont forcés, s'ils veulent vivre cette initiation par libre choix, sont forcés de vivre la grande solitude cosmique. Et dans la grande solitude cosmique, il n'y a aucune forme. Il n'y a absolument rien. Et lorsque l'ego vit le rien, vit le vide total, c'est à ce moment-là qu'il a cessé de nécessiter l'expérience pour son évolution et qu'il devient un être descendant. Et tant que les hommes sont des êtres ascendants et qu'ils ont besoin de l'expérience pour leur évolution, il leur est nécessaire à un certain moment de comprendre les lois de cette évolution et de réaliser s'ils doivent un jour ou l'autre comprendre des aspects plus concrets de la réalité invisible, les lois qui sous-tendent leur évolution et qui les emmagasinent pendant des années et des siècles dans des formes qui, en soi, sont belles et sont nécessaires, et sont grandes et élevantes, mais qui, à un certain moment, deviennent déboulées aux pieds de l'homme qui doit devenir libre. Les gens disent, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'école? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans les écoles ésotériques? Pourquoi on ne nous dit pas la vérité? Parce que la vérité n'existe pas. La vérité et le mensonge sont deux facettes d'une réalité qui existe en dehors de la subjectivité de l'homme et qui emprisonne à la fois l'homme et les égaux qui sont dans le monde spirituel. Il ne faut pas s'imaginer parce qu'un homme meurt qu'il est dans la conscience. Il n'y a pas de conscience sur le plan de la mort. Le plan de la mort est un plan aussi désert de la conscience que le plan matériel, avec cette différence que sur le plan de la mort, les hommes ont accès plus facilement à la reproduction de leur mémoire et à l'étude profonde de leur être-té. Mais les lois sont les mêmes, les lois sont rigides, sont absolues. Autant nous sommes prisonniers de l'espace, autant l'esprit est prisonnier du temps. Et le fait que l'esprit est prisonnier du temps est justement la condition imposée par l'esprit dans le monde de l'esprit, selon les lois du monde de l'esprit. Autant cette condition s'impose à l'homme lorsqu'il est en contact avec l'esprit. C'est pour ça que l'esprit ne peut jamais vous faire comprendre quelque chose d'une façon parfaite, parce que lui-même est dans le temps, et il n'y a aucune perfection dans le temps. La perfection est en dehors du temps. La lumière est en dehors du temps. Depuis que le temps existe, les mondes ont été renversés. Il y a des esprits qui sont sur le plan des morts et qui sont prisonniers du temps, un temps extrêmement difficile pour eux parce qu'il est très long. De la même façon que l'homme est prisonnier du temps matériel. Mais ils ont un avantage sur l'âme, c'est qu'ils n'ont pas de corps matériel et qu'ils peuvent se déplacer en esprit. Et lorsqu'un esprit peut se déplacer en esprit, automatiquement, il peut avoir accès à certains aspects, à certains courants d'énergie dans la conscience de l'âme et influer sur cet âme. C'est ça que l'âme doit comprendre une fois pour toutes, après 10 000 ans d'évolution. Ce que je vous dis, je ne le prends pas de ma poche. Ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Ça vient pas de mon intellect. Si je pensais à ces choses, je serais le premier à rentrer à la grande bâtisse. Et nous devons avoir accès à cet immense réservoir de connaissances qui est en nous. Mais si nos émotions nous empêchent d'y avoir accès, nous n'y pouvons rien. qu'une fusion soit essentielle pour que se manifeste d'une façon parfaite le canal, c'est compréhensible. Mais ce n'est pas la fusion qui est essentielle. La fusion vient avec le temps. Ce qui est essentiel, c'est la conscience. Que les hommes recherchent la conscience et non la fusion. La fusion permet à l'homme de dire des choses qu'il ne pourrait pas dire s'il n'était pas fusionné, parce qu'il aurait une émotionnalité dans sa pensée. Il aurait de l'émotion dans ce qu'il dit, il subirait le poids de ce qu'il dit, il subirait le poids de la connaissance. La connaissance serait pour lui un lourd fardeau. C'est pour ça que la fusion est nécessaire, pour faire passer d'un plan à un autre, à travers un autre, ce qui doit être dit. Mais d'un autre côté, l'homme qui reçoit cette information doit le vivre de bas en haut. Et c'est là votre vie, votre rôle en tant qu'être humain, et aussi votre capacité ou votre défaillance. Je vous parle toujours pour demain. Je vous parlerai toujours pour demain. Je ne vous parle pas pour aujourd'hui, parce que ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui. Ce qui est. Mais ce qui deviendra doit le devenir. C'est pour ça que je dois vous parler pour demain. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Très peu d'hommes sur la terre ont compris le mal de l'esprit. Très peu. Et ceux qui l'ont compris en ont gardé le secret. Autant l'homme a besoin de la lumière, autant l'esprit, dans le monde des esprits, a besoin de la lumière. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a d'autres qui en ont plus. Comme sur la planète Terre, il y a des hommes qui ont plus de lumière que d'autres. La division que je fais entre le monde des esprits et le monde des hommes, ou plutôt la synthèse, est essentielle, elle est fondamentale, elle fait partie, c'est un point cardinal dans l'évolution de l'instruction mondiale. Vous verrez un jour que c'est extrêmement important, que c'est le couteau qui vous permet de couper en deux le fil, qui vous lie en esprit à des formes qui sont très puissantes, surtout lorsque ces formes sont spirituelles. Je vous cite très souvent l'exemple de ce fameux Italien il y a quelques années qui a tout bouleversé le Vatican parce que le Christ lui parlait et lui disait de détruire les peintures. Souvent, je vous donne des exemples qui sont graphiques pour vous faire comprendre l'essentiel qui n'est pas réfléchissable. Mais comme l'homme a en lui un potentiel d'autonomie, s'il sait se servir de son intelligence humaine d'une façon libre, sans être violé par l'émotion spirituelle qui le lie à la forme, il peut très facilement mettre l'esprit de la forme contre le mur et forcer l'esprit de la forme à lui révéler telle chose ou à lui dire telle chose ou à lui éclairer telle chose. Et c'est essentiel, vous devez le faire. Autant vous avez sur le plan humain dans une cour de justice le phénomène du cross-examination où un avocat va demander à une personne ou à un témoin telle chose pour faire sortir de ce témoin certains aspects qui sont cachés dans sa psychologie, autant sur le monde des esprits, et encore plus, l'homme se doit de faire un cross-examination de ce qu'il reçoit comme information. Je vous en indique de toutes les façons depuis des mois. Et je sais combien c'est essentiel. Et on ne va pas vous rendre la tâche facile. parce que ça fait déjà partie de votre intelligence universelle de pouvoir déterminer les limites, de pouvoir sentir les jeux de l'esprit dans vos communications avec le monde de l'esprit. Et tant que vous êtes en communication avec le monde des esprits, vous n'êtes pas dans l'intelligence universelle. Alors, automatiquement, vous avez une difficulté de résoudre le problème qui s'impose à vous au niveau de votre psychologie. Alors, ce n'est pas une situation qui est facile. C'est pour ça que je vous l'indique d'une façon très claire et très nette. Pour que vous puissiez vous servir un peu de votre intelligence et faire le cross-examination de l'information qui vous vient de ces plans et de voir. Il y a des tests, il y a des épreuves que vous pouvez instituer à ces égos qui sont sur les autres plans. Il y a des tests, des épreuves. Et votre intelligence personnelle peut vous amener, une fois que vous aurez saisi ce que je veux dire, à créer des tests pour ces intelligences, et vous verrez que, à un certain moment, ils seront acculés au bout du mur. Et c'est là que vous commencerez à comprendre ce qui se passe. C'est là que vous commencerez à réaliser votre intelligence. C'est là que vous commencerez à formuler votre intelligence. Et c'est là que vous commencerez à réaliser que ce n'est pas vous qui êtes intelligent, mais que l'intelligence est en vous. L'intelligence, ce n'est pas une force spirituelle. Et l'intelligence ne provient pas de la force spirituelle. La sensibilité provient de la force spirituelle. Mais l'intelligence provient d'un principe universel, et elle coule à travers l'âme et elle se manifeste sur le plan mental de l'homme, à travers les activités d'ajusteur de pensée. C'est très important. Sans cela, la période de compréhension occulte de l'homme, parce que l'homme est occulte. L'homme est occulte dans le sens que l'homme ne se comprend pas. L'homme est un mystère à lui-même, et il a toujours été un mystère à lui-même. Mais à un certain moment de son évolution, il doit comprendre ce mystère, il doit voir clairement qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, où il va, d'où il vient. Mais il ne peut pas briser le noyau de ce mystère tant qu'il n'a pas compris des principes de base. Et ces principes de base se rattachent à toute communication qu'il a d'abord avec le monde des esprits. Parce que c'est le contact avec le monde des esprits qui est le premier contact de l'homme vers l'universel. Le premier. Ensuite vient le contact avec l'universel. L'homme est en contact avec le monde des esprits et ensuite en contact avec l'universel. Oui, autant sur le plan du contact avec le monde des esprits, l'identification psychologique est essentielle, autant sur le plan universel, cette identification est totalement secondaire et ne sert plus à rien, parce qu'elle n'est pas nécessaire, puisqu'il y a une intégration entre l'intelligence universelle et l'intelligence de l'homme, qu'il y a une intégration entre le mental supérieur et le mental inférieur. Alors, faites attention à tout ce qui touche le monde des esprits, à tout ce qui touche les communications mentales. C'est pour ça que je vous ai dit dans les séminaires, ne croyez pas. Écoutez, mais ne croyez pas. Scrutez et prenez toujours ce qui vous plaît. Mais ne fondez pas votre espoir spirituel sur ce qui vous plaît. Parce que ce qui vous plaît présentement dans le rapport avec eux fait partie d'une vibration qu'on vous transmet. Mais plus tard, vous serez obligé de développer ce qui vous plaît et de connaître derrière ce plaisir spirituel une plus grande valeur, une plus grande grandeur qui fait partie de votre devenir. Sans ça, vous ne connaîtrez jamais votre avenir. Vous ne connaîtrez jamais votre fonction dans la vie, votre fonction dans l'éthérique. Vous ne vous connaîtrez jamais. Et l'homme doit se connaître, puisque ça fait partie de sa connaissance, de sa conscience. Alors, il est évident que si on vous rapporte quelque chose qui ne vous plaît pas, ça c'est une chose. Vous pouvez le bloquer. Ou vous pouvez le comprendre. Ou vous pouvez l'accepter plus tard. Et d'un autre côté, on peut vous rapporter quelque chose qui vous plaît, mais qui est sujet à un cross-examining plus tard. comment on dit cross-examiner en français? Une contre-interrogatoire. Et on doit contre-interroger le monde des esprits. C'est un des piliers de l'instruction occulte de l'homme. J'ai fait une expérience avec qui depuis longtemps est actif dans certaines sociétés. D'ailleurs, une société que je respecte énormément parce que je connais la vibration de cette société. Bien qu'il y ait sur le plan humain des défaillances, sur le plan spirituel, cette société est d'une grande valeur pour l'évolution de l'homme. Et comme je n'ai pas le droit, dans mon mandat de travail, d'enseigner à l'homme, j'ai le pouvoir de lui faire comprendre comment s'enseigner lui-même. Et il a réalisé que les formes les plus sacrées de cette société, de cet enseignement qu'il reçoit ou qu'il a reçu, est encore une forme. Et qui lui a rendu le verdict sur cette réalité? C'est sa propre intelligence interne. Mais s'il n'avait pas compris le concept du contre-interrogatoire, il serait encore attaché à cette forme. Attaché dans le sens qu'il la considérerait comme l'aspect absolu d'une réalité qui ne se démolit pas, et toutes les réalités relatives, autrement dit, tout ce qui est en dehors de la réalité, tout ce qui fait partie de la vérité et du mensonge, se démolit, et tout doit se démolir. Tout. Et je le dis, tout. Si vous n'êtes pas capable de démolir une forme, vous n'êtes pas en dehors de la forme. Mais le pouvoir de démolir une forme, de détruire une forme, est un pouvoir interne de l'homme qui fait partie du pouvoir de l'âme de l'homme. Et c'est lorsque l'homme est capable de démolir et de détruire une forme qu'il est capable d'en créer de nouvelles. Et c'est là la science de l'avenir. La science de l'avenir ne sera pas fondée sur ce qui a été fait dans le passé. Pas plus que l'ésotérisme ou les choses qui seront connues dans l'avenir ne feront pas partie de l'ésotérisme ou de l'occultisme du passé. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait dans le passé ou l'ésotérisme ou l'occultisme ou la pensée ésotérique du passé n'a pas servi et qu'elle n'a pas des fondations qui sont essentielles à la compréhension des mécanismes de l'univers, mais c'est la forme de ces connaissances qui doit être mise en question. Que vous preniez n'importe qui, Aurobindo, je ne sais pas moi, la cosmovénie d'Urantia, Rudolf Steiner, n'importe qui. Tout se démolit. Et tout doit se démolir, parce que si vous regardez sur le plan matériel, il y a création, destruction, dans le cosmos c'est la même chose, et au niveau de la pensée c'est la même chose. Le principe de l'intelligence est un principe qui est infini et qui ne cesse jamais de démolir et de reconstruire, et de démolir et de reconstruire, et de démolir et de reconstruire. Et c'est justement la concrétisation de ce phénomène, sur un plan quelconque, qui permet l'évolution. Si les choses ne pouvaient pas se démolir et se reconstruire à une autre échelle, il n'y aurait aucune évolution. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences pour comprendre ça. La destruction et la création font partie des mécanismes cycliques de l'évolution. Il en est ainsi sur tous les plans de l'évolution et sur le plan mental, qui est le plan le plus rapproché de l'intelligence de l'homme. Il en est encore plus important parce que c'est justement là que se forme la forme et que se définit éventuellement la forme. Et ça, c'est sur le plan de la pensée humaine. Imaginez-vous, lorsque l'homme est dans l'éthérique, qu'il peut créer une forme et la concrétiser dans la matière, c'est une autre chose. Ou l'homme de la septième race qui peut penser une pensée, la matérialiser devant lui et faire de son monde selon sa pensée. Et lorsqu'on peut détruire et construire des formes, on est libre de la forme. On ne pense plus, on a l'esprit. Le mental vide. Le mental devient un outil puissant. Et on se sert de cet outil-là suivant ce qu'on a à faire. Et l'homme vit la vie telle qu'elle doit être vécue. Je vais passer ma vie en public à vous mettre toujours en garde contre. Je suis un chien de garde. Je suis pas un cadeau. Mais qui vous le dira si on ne vous le dit pas? Mais c'est à vous de le confirmer par vous-même, de le savoir par vous-même, de ne pas vous fier à ce que je vous dis, mais de vous fier à ce que vous pouvez par vous-même aller chercher intérieurement pour confirmer ce que vous êtes. Et non, confirmer ce qu'eux vous disent. Et vous verrez que lorsque vous aurez fait, dans les semaines ou les mois qui viennent, cette perception, vécu cette perception, vous verrez qu'il s'ouvrira en vous une autre vibration et que votre niveau de conscience changera. L'évolution de votre conscience, l'évolution vibratoire de votre être est directement liée à l'évolution de la mienne. Autant je suis sur le plan matériel en liaison avec vous, autant je suis sur les autres plans en liaison avec vous. Mais l'impossibilité qui se situe dans le mental humain, tout ce qui l'on conçoit comme étant impossible parce que nous ne pouvons pas le réaliser à l'extérieur des limites de notre pensée personnelle ou spirituelle, doit être vaincu. Et c'est là, à ce moment-là, que vous ferez l'expérience directe et personnelle du principe de l'intelligence universelle. Cette force qui vous permettra éventuellement d'acquérir des forces ou des énergies, ou manipuler des énergies sur des plans qui font partie de votre évolution. N'attachez-vous pas à rien. Il ne s'agit pas, comme je disais auparavant, de nier une chose. Il ne s'agit de ne pas pouvoir croire. Et c'est un état d'esprit, ne pas pouvoir croire. Ce n'est pas une attitude. C'est un pouvoir de ne pas pouvoir croire. C'est un pouvoir de l'esprit de l'homme sur la forme. Et un pouvoir extrêmement puissant parce qu'il maintient l'homme dans une harmonie totale avec lui-même. Et lorsqu'un homme tel rencontre un autre homme qui ne croit pas, ils sont tous les deux en harmonie. Mais dès qu'un homme croit et qu'un autre homme croit, il croit des choses différentes et il y a entre les deux des harmonies. Et c'est justement les jeux de la forme et les jeux de l'esprit qui fait partie des mécanismes de domination de l'esprit de l'homme sur la planète Terre. Et c'est pourquoi l'homme est incohérent et ne peut pas exprimer ce qu'il sait parce qu'il est pris dans ses mécanismes. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais j'ai aussi beaucoup de fatigue à vous dire des choses qui pour moi sont très simples et très évidentes et qui pour vous ne sont pas simples et évidentes. Mais cette fatigue, elle doit être vécue parce que ça fait partie de ce que je dois faire. Mais vous, vous n'avez pas cette fatigue à vivre. Mais vous avez la souffrance de la vivre. Chin-chin. Prisonnier de la gravité, l'homme sera obligé d'être prisonnier de ses sens. Puis tant que l'homme est prisonnier de ses sens, il lui est impossible de connaître le réel. Parce que les sens sont une petite fenêtre sur le monde matériel. Et ne lui permettent pas de connaître les dimensions occultes ou invisibles du monde matériel qui constituent la fondation de tout ce qui est matériel. Les lois de variété, les lois de variation, les lois de progression, les lois de rétrogression, les lois de cycle, les lois de construction, les lois de destruction, les lois de vie, les lois de mort dans le cosmos. Faut que l'homme comprenne ces lois-là pour pouvoir être libre des effets de ces lois-là afin de construire une civilisation qui est imperturbable dans sa fondation. Autrement dit, si l'homme est en évolution, et si l'homme a construit une autre civilisation, et que les éléments de la nature se déchaînent contre sa civilisation, l'homme doit être capable et doit retarder l'effondrement de ces forces-là sur sa culture, sur sa civilisation. Si une tempête ou si un raz-de-marée qui menace une ville, l'homme doit être capable d'arrêter le raz-de-marée, d'arrêter la tempête. Mais s'il est pollué de la gravité, puis si son corps est alourdi par la densité qu'il possède, à cause du fait qu'il a perdu conscience de ses sens supérieurs qui sont dans son esprit, l'homme est incapable et automatiquement l'homme perd énormément d'énergie et de pouvoir au niveau de sa civilisation Et l'homme est sujet à des lois, il y a des forces planétaires, des forces qui sont totalement aveugles. Non, non, des forces aveugles. Il y a des forces dans le cosmos qui s'occupent de la destruction, comme il y a des forces dans le cosmos qui s'occupent de la construction. Il faut que l'homme puisse contrôler les forces qui s'occupent de la destruction. Un volcan, c'est essentiel là, pour une planète. Alors, il y a des raisons pourquoi ça existe, un volcan. Il y a des conditions qui font qu'un volcan devient actif ou devient inactif. Il y a des forces qui dirigent les activités d'un volcan. Si un volcan devient actif dans le centre d'une civilisation, ou dans les parages d'une civilisation, il faut que l'homme puisse l'arrêter, ce volcan-là. Mais il ne va pas l'arrêter en mettant une fardeau dessus. Alors, pour l'arrêter, il faut qu'il entre en contact avec l'esprit de ce volcan-là, et à cause de la vibration de son propre esprit, puisse dominer les régences de cet esprit-là. C'est ça la science cosmique. C'est pas ce que vous apprenez dans les écoles. Mais pour que l'homme contrôle la nature, pour que l'homme ait le pouvoir sur la nature, faut que l'homme soit totalement dans l'unité de la conscience. Sans ça, il détruira les hommes. Il dominera les hommes. Un gars qui commence à contrôler un volcan, il est capable de contrôler bien les affaires. Bon, mais c'est pour ça que ça sera pas permis. Que l'homme ait des pouvoirs en dehors de la conscience supramentale. Quand l'homme aura des pouvoirs, la conscience supramentale sera établie dans l'homme, et son ego sera totalement équilibré, sa volonté sera en harmonie avec la volonté universelle, son intelligence sera harmonisée avec l'intelligence universelle, sa volonté et son amour. Et à ce moment-là, l'homme automatiquement canalisera les forces, et il sera dans le pouvoir, mais il n'y aura pas de pouvoir. Quand l'homme a du pouvoir, c'est parce qu'il est avec des forces négatives, quand l'homme est dans le pouvoir, il travaille des forces négatives. On arrive à se conscience. Au bout. À être conscient au bout. Le reste arrive. L'homme rentre automatiquement dans le pouvoir. Moi, j'en ai fait l'expérience du pouvoir dans la vie. Mais j'ai jamais eu de pouvoir. J'ai toujours été dans le pouvoir. Là, il n'y a pas de destin. Toujours avec. C'est dans le pouvoir. Toujours là le pouvoir. Mais ça se manifeste quand ça doit se manifester, pas sous l'empire de l'ego. Peut-être de la broue. Tu possèdes jamais le pouvoir. Si tu possèdes le pouvoir, c'est parce qu'il est donné en relation avec des forces qui sont directement liées à ma joie et c'est karmé. L'homme ne doit pas posséder le pouvoir. L'homme doit être dans l'énergie du pouvoir. Il l'est quand il est conscientisé. Hitler, puis ben, beaucoup de gens de sa gang, puis d'autres, se servent du pouvoir. Il y a beaucoup d'occultistes aujourd'hui qui se servent du pouvoir, mais qui n'ont aucune conscience. C'est pas parce que tu as des pouvoirs et que tu es conscient. Ça, je vous dis, quand je vous dis, si ça marche, faites attention. L'Atlantide s'est détruite à cause de ça. Puis dans nos recherches occultes, dans nos recherches ésotériques, dans notre recherche spirituelle, on entre en contact avec la connaissance que ça existe, ces affaires-là. Puis là, l'ego rentre en jeu. Il y a des gens qui vont aux Indes, qui vont dépenser 4-5 000 piastres pour se faire donner, pour aller chercher un pouvoir quelconque. Puis ils reviennent avec des avions. C'est très spécifié des annales que l'âme, l'homme de la sixième race n'aura pas de pouvoir, il sera dans le pouvoir. Ceux qui auront le pouvoir ne feront pas partie des fils de lumière, feront partie des fils ou des réincarnations des fils de lumière. Mais non, quand il a le pouvoir, tu ne pas rien. L'énergie passe, puis c'est l'énergie qui agit à travers tout comme canal. L'ego doit être transmuté. L'ego doit devenir invisible. Et il le devient, petit à petit, invisible à lui-même. C'est là que l'ego panique. Parce que l'ego, quand il devient invisible à lui-même, il est pas ça. Quand tu dis, on peut dire que c'est pas des gars, il y a certains gars, ils sont morts, là. Ils sont pas en pouvoir. Ça fait partie de karma. C'est le bébé. C'est l'œuvre d'Aïe. Parce qu'il était en relation avec des... Ça fait partie de karma. Ouais, bon, attaque, quoi. Ça fait partie de karma. On n'a jamais eu de mental dans le passé qu'on aura dans l'avenir. Parce que plus on avance, plus on développe des corps subtils. Dans le passé, c'est notre corps astral qu'on se sert. Le corps astral est extrêmement limité. Mais l'homme avait des pouvoirs. C'est pas la planète au bout du bois. Si vous revenez dans le corps matériel, sur le plan matériel, vous êtes obligé de passer par le cycle d'évolution de la matière ici. Vous pouvez partir d'un plan supérieur, venir dans un plan inférieur pour éventuellement revenir au plan supérieur. Mais vous êtes obligé de passer par les phases d'éducation. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du travail, ça fait partie du statut cosmique, ça fait partie du statut spirituel, ça fait partie. Il y a des hommes sans tête qui viennent de planètes très très avancées puis qui reviennent sans tête pour faire un travail quelconque, mais qui reconnaissent seulement un certain temps de leur vie. Je vous donne un exemple en passant, Rudolf Steiner, c'en est un. Krishnamurti, c'est pas des gars qui viennent des toilettes, ils viennent de quelque part puis ils descendent ici. Ils reprennent leur état de conscience, puis ils font un travail à un certain niveau. C'est là qu'on les reconnaît, ces gens-là. Ils viennent pas de la Terre. Ils sont pas en suspension dans l'astral terrestre pendant des années de temps. Ils sont sortis depuis bien longtemps. Il y en a qui viennent des plans invisibles vénusiens, il y en a qui viennent d'autres plans, il y en a qui viennent de l'extérieur de notre système solaire. Ils sont obligés de s'incarner ici. Regardez le Nazaréen, la même chose. Le Christ s'est incarné dans la matière, sur une planète. C'est une planète chétive. L'importance de notre instruction, c'est de réaliser et de comprendre que notre instruction n'est valable que pour nous-mêmes. Elle n'est pas valable pour les autres. Quand je dis ça, là, je veux dire deux choses. Elle est valable pour nous-mêmes dans le sens que le hasard n'existant pas, si on est lié à cette instruction-là, il y a une raison. Deuxièmement, elle n'est pas valable pour les autres parce qu'elle ne sert aux autres qu'en relation avec notre propre expérience. Tu vas avoir de l'instruction pour être conscient d'une certaine instruction, puis votre instruction va vous servir pour vous, et quelle que soit la réflexion que cette instruction puisse avoir sur d'autres personnes, ça créera toujours un travail sur vous. C'est pas comme quand vous étiez en phase d'évolution philosophique ou spirituelle, où vous discutiez de philosophie devant un petit café avec quelqu'un, puis là vous aviez du fun tous les deux à discuter de la philosophie, ou à discuter des modes de spiritualité. L'instruction, ça se discute pas. Ça se sent, ça se sait. Et aussitôt que ça tombe dans la discussion, là vous allez avoir des tensions entre vous. Il va arriver à un point, si vous parlez à des gens, puis ça tombe dans la discussion, votre instruction, ou autrement dit, ce que vous savez, vous allez avoir des tensions. Ça va faire de votre évolution. Soit que vous ne soyez pas capable d'en parler, ou que vous en parliez, ou que vous en parliez trop, mais quelque part dans le temps, l'instruction, dans le temps, vous allez réaliser qu'elle ne sert qu'à vous individuellement. C'est ça, exactement. Exactement. Ça va loin, l'instruction. Là, vous recevez l'instruction orale. Quand vous allez commencer à recevoir l'instruction télépathique, vous allez voir qu'il ne vous reste plus grand-chose. Il vous reste plus grand-chose. Entendable. Quand l'ego est totalement dénué, là, c'est parce que les temps sont proches pour qu'il y ait des expériences substantielles. Il faut que vous soyez préparé à ça parce que vous ne pourriez pas vivre votre vie, vous ne pourriez pas travailler, vous ne pourriez pas aider vos enfants. Il y a de la sagesse. Nous autres, les hommes, on doit réaliser une chose, qu'on n'a rien à faire sur le plan matériel. Rien à faire. Rien à faire. On est petit incandescent. On passe le test du temps. On passe le test du temps. Dans le test du temps, on fait l'expérience de la psychologie du temps. Puis tant qu'on a la psychologie du temps, on a la psychologie relative au psychisme psychologique, au psychiste. Là. Puis ça, il faut qu'on s'en débarrasse complètement. Il faut qu'on en arrive à plus de vie. Le plan matériel est pour la sixième race. Il est pour la cinquième race. Il est pour tout le monde, le plan matériel. À un certain moment, il ne sert plus à rien. Parce qu'ils sont indépendants de la matière. Quand tu es indépendant de la matière, la matière peut s'appuyer. Il est là pour certaines activités, il est là pour des raisons de créativité, il est là pour des raisons de construction, mais il ne te sert plus. Quand tu es rendu indépendant de la matière, tu es indépendant. Ça comme tu dis, mais c'est pas la même chose. Oui, il avait raison, mais c'était expliqué d'une façon spirituelle de sorte que les gens, au lieu de prendre leur rôle dans la matière d'une façon équilibrée, prenait le rôle d'une façon totalement spirituelle, puis déséquilibrait leur vie. C'est pour ça que Nietzsche s'est révolté contre l'intégrité de la philosophie de la vie. Puis il était pas bête, là. Il avait du bon sens dans sa philosophie. Où il a mal compris Nietzsche, c'est quand il a commencé à étudier puis à approfondir le problème, le phénomène de la volonté dans l'homme. Celui qui écrit Thus Spoke Zarathustra, et ça parle de Zarathustra. Il avait de la grande intuition intelligente dans son affaire. Non, j'ai donné un coup de poing sur la gueule à la jure. Pourquoi? Parce qu'il s'était révolté contre le principe de la soumission de l'homme à des formes spirituelles qui lui enlevait sa volonté. Il s'est révolté. D'ailleurs, les philosophes existentialistes modernes se sont révoltés contre ça. Ça faisait partie d'une progression de la psychologie de la philosophie moderne. Il avait entièrement raison. Mais ça fait partie de l'évolution de la pensée humaine. Parce que, aussitôt qu'on catégorise un événement dans la vie, on lui donne une valeur. On n'est pas capable de catégoriser quelque chose sans lui donner une valeur. C'est aussitôt qu'on lui donne une valeur que la catégorie qu'on se sert nous retarde dans notre évolution. Aussitôt qu'on emploie un mot, on lui donne une valeur. C'est rien quand on arrive à être mental là, qu'on prend le mot pour canaliser une certaine énergie pour expliquer telle chose. Puis si les gens mettent une valeur à ce mot-là, ben on le détruit ou on en prend un autre. Puis les gens ne s'attachent pas à ça parce qu'on sait comment est-ce que c'est difficile de substituer une valeur émotionnelle pour un concept totalement abstrait qui provient du mental, là, du mental de l'homme. Je te donne un exemple. Prends le problème de la vérité et du mensonge. La Terre entière, aujourd'hui, est prisonnière de cette dualité-là. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Fait qu'imagine-toi, c'est le problème du bien et du mal, du bon et du mauvais, puis du ça et pas ça. Si ça galvanise pas l'esprit de l'homme, si ça ne l'empêche pas à cet esprit-là de voyager dans le temps de l'esprit, puis aller chercher ce qu'il y a à chercher pour faire expansion, puis détruire les limites de la pensée humaine. Il faut que les limites de la pensée humaine soient détruites pour que l'homme puisse avoir accès à ce qu'il appelle les mystères, qui sont de l'autre côté des limites de la pensée humaine. L'homme a le droit de savoir qu'est-ce que c'est, ces maudits mystères-là, puis de les comprendre. Mais s'il ne sait pas, puis il ne comprend pas, ben à ce moment-là, il est pris par la force de ses mystères. Ça alourdit son esprit, normalement. Il y a des formes de connaissance, puis d'évolution de la psychologie ou de la philosophie de la connaissance dans l'humanité qui sont très belles. La théologie, par exemple. Tu lis la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est très intéressant. La structure des mots, la formation des images, puis la structuration des concepts liés aux formes, c'est très beau. Moi, j'aime ça lire. J'aime ça lire. J'aime ça lire Jean-Paul Sartre. Parce qu'il a l'affaire, il a les mots, manipuler les mots. Mais je peux pas être prisonnier des formes qui crient avec ses mots, par exemple. C'est là le problème de l'attitude psychique de l'homme envers la connaissance. Moi, je peux parler devant un microphone, parler, avoir un beau langage pendant des heures, c'est plaisant. De l'autre côté, si le langage que je parle pendant des heures est trop symbolique, à ce moment-là, il y a des gens qui vont s'accrocher dedans. Alors, je suis obligé de le couper un petit peu. Les mots sont des outils. Il faut que tu t'en sers pour construire des idées qui font véhiculer une vibration. C'est ça qui compte. Mais pour réellement le faire, ça, faut pas que tu parles. La langue universelle. La langue universelle, c'est la confirmation instantanée dans tous les esprits de ceux qui sont universellement liés les uns les autres à une même conscience et à une même compréhension. C'est totalement télépathique. Tu peux servir de la pensée pour véhiculer l'énergie, mais c'est au niveau de l'énergie que tu reçois l'information. Puis ensuite, elle se reforme au niveau d'une pensée pour que tu puisses l'interpréter. Si ta femme a vu que tu amènes un pain chez vous, elle va te dire dans ta tête, amène-moi un pain, l'énergie se communique à toi dans ton corps éthérique, c'est reformé au niveau d'un pain. Qu'elle soit reformulée d'une énergie au niveau d'un concept qui t'amène un pain au lieu d'une saucisse. Ça. Tu peux envoyer une pensée télépathique à un Chinois, puis il va t'amener un pain pareil. Il va pas t'amener un code de Mao Tse-Tung. C'est pour ça qu'avec le temps, on doit réorienter complètement notre façon de voir les choses. C'est bien important. Spécifiquement, je le dis pour monsieur, pour vous, c'est important. Vous avez une grande sensibilité. Vous avez une grande intuition spirituelle. Mais aussitôt que vous commencez à penser, à travailler avec ça, là, vous construisez des projets. Puis les projets vous amènent de plus en plus loin dans la construction d'autres projets. Ça n'arrête pas. Si vous le faites, il faut que vous le fassiez avec la vision très, très, très, très claire que ça vous, ça ne vous dérange pas dans votre énergie. Si ça ne vous dérange pas dans votre énergie, à ce moment-là, ça fait partie de votre créativité. Ça va vous amener, ça va vous faire, ça va vous charrier, ça va vous faire découvrir des choses. Mais ça vous nuit dans votre énergie, parce que ça, ça vampirise votre énergie, parce que les égrégores vampirisent l'énergie. Les communications avec eux autres vampirisent notre énergie. Nous autres, on a l'impression qu'eux autres, c'est des anges, puis des ci, puis des ça, mais on ne comprend pas les lois sous lesquelles ils fonctionnent. Eux autres fonctionnent sous des lois d'énergie vibratoire qui servent simplement à une chose. Ils s'ancrent comme dans l'an 40, toujours qu'on construise des maisons ou qu'on fasse des chantiers. Ce qui les intéresse, eux autres, c'est de nous amener à un niveau vibratoire tellement élevé qu'un jour, ils peuvent fusionner avec nous autres pour nous changer de dimension. Fait que le reste, ce qui se passe dans notre vie, nous autres, qu'on considère, nous autres, important pour des raisons ou des valeurs spirituelles ou des valeurs psychologiques ou des valeurs physiques, eux autres, c'est ça qu'on a en garant. Puis ce qui arrive, c'est qu'après 2, 3, 4, 5, 10 ans, quand on y a goûté, puis qu'on a compris, finalement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'eux autres changent complètement d'orientation dans leur activité avec nous. Moi, avant, durant l'initiation, quand ils m'ont fusionné, ils avaient bien pu dire, par là, on va en vendre 35 000 piastres, donner à lui. Ensuite, ils disaient, Bernard va vendre, prend 5 000 piastres, donner à lui. Puis Bernard faisait, ils m'ont mis en dette 40 000 piastres, des enfants de chienne. Un jour, je n'ai eu plein de cul, puis j'ai coupé ça. C'était final. Mais tout le travail qu'ils ont fait pendant ces années-là, puis la tension vibratoire dans le plexus solaire que j'ai eue, a servi à changer mes vibrations. Mais quand ça a été fait, j'ai ouvert mes lumières. Puis aujourd'hui, laisse-moi te dire que si je vais à vendre pour emprunter 5 000 piastres, c'est pour faire quelque chose qui me sert, et non qui me dessert. Mais c'est par l'expérience qu'on apprend d'eux autres. Eux autres vont pas nous dire comment est-ce que ça fonctionne, la vie. Faut qu'on apprenne la vie comment est-ce que ça fonctionne tout seul. Tout seul. Puis je vous le dis, tu sais, quand je vous dis que je suis votre chum, je suis votre ami, l'autre, elle vient me voir, toi, elle dit, tu nous as dit à la conférence, c'était notre chum, puis là, tu nous invites à comment ça va être? Des rencontres sociales, tu me charges du piège, j'ai dit ça, j'ai dit ça, je suis ton ami. À chance. C'est un chat. Mais on comprend pas. Les gens comprennent pas. D'abord, les gens comprennent pas qui je suis, les gens savent pas qui je suis, les gens savent pas pourquoi je suis titre. C'est pas de l'affaire. Puis cinquièmement, les gens un jour doivent comprendre que ce que je dis, c'est inaltérable. Parce que c'est directement lié à l'expérience de la vie que moi j'ai vécu au bout, comme vous autres vous la vivrez jamais. Parce que c'est fait que l'expérience que je vous donne, je vous la donne parce que je comprends la vie de tous ses aspects. Il n'y en a pas pour moi de mystère. La vie, je la comprends toute. Puis communiquer avec les autres, ils vont vous dire, je la comprends parfaitement. Parce que si je vous parle d'une certaine façon ou je vous donne des indices, prenez-les. Prenez-les le plus possible. Si vous n'êtes pas capable, vous prenez-les. Non, il n'y a absolument rien à prendre l'expérience. De certaines formes qui alourdissent notre esprit et qu'on doit s'habituer à vivre sans avoir besoin d'elle. D'abord, j'aimerais ça jeter un peu ouvrir un volet sur ce qu'on conçoit comme étant Dieu. Dieu pour les hommes, c'est une réalité qui possède une valeur psychologique, psychique. Et lorsque les hommes font certaines expériences, comme des gens, par exemple, qui vont sur les plans, des gens qui se rapprochent de certaines formes inconnues de Dieu, de la part des gens qui vont pas sur ces plans-là. Le même problème existe pour ces hommes-là. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le Dieu des hommes, à quelque niveau qu'il soit vécu, qu'il soit connu, qu'il soit reconnu, soit le Dieu chrétien, ou le Dieu bouddhiste, ou le Dieu de l'islam, ou que ce soit le Dieu qui est découvert dans les investigations astrales spirituelles, tant que l'homme pense à l'existence de Dieu, il est prisonnier d'un très vaste empire de communication, de réseau de communication, qui sont contrôlés par des êtres de très haute évolution. Coïncide dans leur expérience et dans leur organisation gouvernementale un peu à ce que vous pourriez appeler des seigneurs, des grands spirituels. Les seigneurs, quand on a l'expérience des mondes, sont des êtres qui ont une fonction double. Ils ont une fonction marginale dans l'évolution. Dans ce sens que il représente pour les êtres en évolution sur telle ou telle planète et à l'intérieur de tel ou tel plan d'expérience des points de référence presque absolus de la perfection. Et souvent, l'étendue du royaume de ces seigneurs-là est tellement vaste que les gens qui en font l'expérience, qui vont dans ces mondes-là, reviennent absolument abasourdis de ce qu'ils ont vu et sont incapables de se rappeler ou de raconter parfaitement ce qu'ils ont vu. Dans ce sens qu'ils sont incapables de ralentir suffisamment le temps de leur expérience pour qu'ils puissent servir sur le plan psychologique à dénoter ou à définir ou à faire découvrir à l'homme de nouvelles formes de vie. Dans l'exploitation de l'infinitude occulte des mondes invisibles auxquels l'homme peut participer dans son expérience par le biais des causes inférieures au corps mental, il se produit dans l'expérience des fissures, il se produit dans l'expérience des manques, des cracks, qui sont tellement subtils que ces hommes-là, quel que soit leur niveau d'expérience spirituelle ou occulte, leur permettant d'arriver à une sorte de recherche ou une sorte de compréhension ou une sorte de sentiment ou une sorte de feeling de ce qu'ils reconnaissent comme étant Dieu, sont bouleversés aussitôt qu'on leur apprend que Dieu, tel qu'ils le conçoivent ou tel qu'ils en ont vu des manifestations à l'échelle des seigneurs ou à l'échelle de ces personnages cosmiques qu'on appelle les seigneurs, qui remplissent des fonctions intéressantes et importantes dans la vie. Ces êtres-là sont incapables de substituer leur expérience vécu pour une expérience qui est totalement différente et qui a pour but de totalement retarder le temps de leur expérience. Quand on conçoit ou qu'on a une expérience divine, on n'a pas la capacité de dédoubler notre âme. On n'a pas la capacité de connaître l'envers de notre âme. Parce que notre âme, c'est comme une lentille. Quand on exploite notre conscience à travers l'énergie de l'âme sur certains plans, on connaît toujours la réalité qu'on exploite, que l'on vit, à travers un côté de la lentille de l'âme. Et si on va très très loin dans cette expérience-là, on peut avoir une idée assez précise de la beauté et de la perfection de la forme. Mais lorsqu'on a développé certaines facultés en tant qu'ego, et qu'on a reconstitué pas par pas au cours de notre évolution, toutes les erreurs qu'on a commises et qu'on a appris éventuellement à rebalancer toutes les erreurs qu'on a commises, on arrive à un point dans notre évolution où notre ego est parfait. Et c'est seulement lorsque on est arrivé au stage de la perfection de l'ego, à un stage qui permet à l'ego d'être totalement indépendant de l'expérience, et d'être capable de comprendre toutes les facettes multidimensionnelles de l'expérience des âmes en évolution dans le cosmos. On peut, par le privilège de notre union très très intime avec l'âme, découvrir l'autre côté de l'âme. Et la découverte du côté opposé de l'âme, de sa face intérieure. Imaginez-vous que l'âme a une face qui est dirigée vers la lumière constamment, puis qu'il y a une face dirigée vers les plans inférieurs. La face qui est dirigée vers la lumière, la face qui est en contemplation vers la lumière, très peu d'égos ont connu cette face-là. Mais les égos qui ont connu cette face-là ont réalisé dans leur expérience la perfection de ce que nous autres, les hommes, on appelle mais la perfection de ce Dieu-là est tellement rattachée à la perfection de l'âme que l'ego qui en fait l'expérience est obligé à ce moment-là d'être ce que vous appelez sur le plan de l'âme. Être sur le plan de l'âme, dans le cadre de mon instruction, c'est expliquer à l'homme comment l'ego réagit à l'âme lorsqu'il est en contact avec sa face contemplative. Et là, le point, Guy, que je veux te présenter, c'est que les gens qui sont allés dans l'astral spirituel, quand les gens parlent d'aller sur le plan de l'âme, ils parlent toujours d'être sur le plan de l'âme ou être en relation avec l'âme qui n'est pas dans la contemplation de l'âme. C'est le frein de lentille, là, de deux faces. L'ego est en relation avec l'âme, mais de l'autre côté. Puis la différence entre un ego qui est en relation avec l'âme qui est en contemplation, ou en relation avec la face de l'âme qui est en contemplation, ou en relation avec la face de l'âme qui n'est pas en contemplation, c'est très important. Un ego qui est en relation avec la face de l'âme qui n'est pas en contemplation est un ego ascendant. Un ego qui est en relation avec la face de l'âme qui est en contemplation est, par la fin même, un ego descendant. La différence entre un être ascendant et un être descendant, c'est qu'un être ascendant évolue par l'extérieur. Tandis qu'un être descendant n'évolue plus par l'extérieur. Il évolue en relation avec l'énergie de la lumière. C'est pour ça qu'un être qui est descendant et qui revient dans la matière étant en relation vibratoire avec la lumière, se sert toujours de l'énergie de la lumière pour faire évoluer les hommes. Et son évolution par la fenêtre est en relation avec l'énergie de la lumière. De sorte qu'un être descendant, comprenant instantanément l'expérience de l'homme, vit aussi instantanément le passage de l'énergie de la lumière en lui. Et ce passage-là constitue la raison pour sa souffrance. Le passage de la lumière dans l'ego descendant. L'ego qui est incarné dans un corps matériel crée automatiquement une souffrance. Et la souffrance de cet ego-là a un but dans le cosmos. C'est qu'elle permet aux êtres qui sont en rapport avec cet ego-là de développer des liens vibratoires sur d'autres plans dont ils sont présentement inconscients, mais qui avec le temps deviendront de plus en plus évidents à leur expérience matérielle. De sorte que lorsqu'un homme est en contact avec la matière, que l'homme est un être descendant, la seule preuve qu'ont les égaux en contact avec cet homme-là, la seule preuve de la réalité, du caractère, occulte, cosmique ou quoi que ce soit de cet homme-là, est en relation avec l'affinité vibratoire qu'ils ont de lui. Dans l'ouverture de vos sens, puis dans l'excitation vibratoire de vos chakras au cours des années, il viendra un temps où la question personnelle de savoir si vous êtes dans bonne voie ou si je suis correct, si, les questions personnelles que les gens peuvent se demander, ces questions-là seront résolues par le rapport vibratoire de vos égaux avec le mien sur d'autres plans. Lorsque les rapports vibratoires seront établis à cause de l'augmentation du pouvoir, les gens qui seront liés à cette énergie-là sauront par le fait même de cette liaison que l'harmonie et la personne qui instruit est une harmonie ou une recherche d'harmonie valide. Valide dans ce sens qu'elle fait partie des lois de l'évolution. Au lieu de faire partie des lois de l'évolution ou des lois de la méchoire. Avec le temps, les gens qui seront liés directement ou indirectement à cette énergie dans le monde sauront que c'est de cette énergie-là que procède la conscience supramentale sur la Terre. C'est de cette énergie-là que procède la conscience nouvelle sur la Terre. C'est de cette énergie-là que procède la conscience de la nouvelle race. C'est de cette énergie-là que procède la conscience solaire, la science solaire, la science totale. Tant que les hommes n'auront pas été attitrés vibratoirement par cette énergie-là, leur esprit sera toujours dans une mesure plus ou moins grande en train de chercher si la liaison avec tel personnage ou tel personnage est une liaison qui est évolutive et une liaison qui est pas grande. C'est difficile à l'homme de comprendre ou de s'imaginer qu'un homme dans la matière peut être parfait. Parce que les hommes ont une conception de la perfection qui n'est pas juste. Et les hommes ont une conception de l'imperfection qui n'est pas égale au jugement total de leur savoir. Lorsque les hommes auront un jugement précis de ce que veut dire la perfection, lorsqu'ils réaliseront que la perfection d'un être est toujours en relation avec sa capacité de canaliser l'énergie, à ce moment-là, ce sera plus facile pour eux de réaliser l'harmonie vibratoire entre eux et tel ou tel personnage sur la planète. Parce que viendra un jour, dans les années qui viennent, où les individus seront forcés d'instituer à un certain niveau de la réalité, des structures pour l'évolution d'une race supérieure. Et l'institution de ces structures-là ne se fera pas par le biais de la conscience psychique de l'homme. Et elle ne se fera pas non plus par le biais de l'exploitation matérielle des moyens de l'homme. Ces structures-là se font par le biais de l'expérience supramentale de l'homme et à l'intérieur de certains cadres occultes qui sont destinés à révéler à l'humanité le plan futur de la vie. Mais les individus qui sont dans les forces composantes de cette régénération, de cette revitalisation de la conscience sur la Terre, ne seront jamais, ne connaîtront jamais les conditions de cet événement-là, tant qu'ils ne seront pas dans l'action de la conscience supramentale. C'est pourquoi les gens se demandent souvent des questions intelligentes, se demandent souvent des questions à propos, ou essaient de trouver des points de référence concernant leur évolution future. Et ces questions-là sont des questions qui sont normales. Ce sont des questions, d'ailleurs, qui doivent et qui peuvent être répondues. Mais ce que ces gens-là ne réalisent pas, c'est que toute question concernant l'avenir de l'humanité ou l'avenir de l'individu déforme l'énergie qui sert à constituer la programmation de cet individu-là vers cet avenir. Parce que toute question provient d'un état psychique inférieur à un état supramental. Toute question provient d'une forme qui est liée au passé de l'humanité plutôt qu'à l'avenir de l'humanité. Et l'homme, aujourd'hui encore, est incapable de regarder dans le futur, de voir dans le futur, de saisir le futur, d'en comprendre le futur comme il comprend le présent. Parce que il est incapable de substituer dans son esprit la forme pour l'absence de la forme. L'habitude est tellement grande en nous de chercher à comprendre. L'habitude est tellement grande en nous d'essayer de comprendre. Et elle est tellement valide, cette habitude-là. Pendant des années et des années, on essaie de réduire la réalité a un dénominateur commun qui devient la philosophie de la réalité, une philosophie spirituelle de la réalité. Je vous mets en garde contre ça. Je vous mets en garde contre ça pour plusieurs raisons. La première étant celle-ci, c'est que tant que l'on pense qu'on a accès à comprendre certaines choses, on est incapable de définir la relation de ces choses-là en relation avec ce qu'on sait. Le plus grand danger de l'homme dans la connaissance, l'expression dans l'expérience du psychisme, c'est que l'homme ne réalise pas que tant qu'il est dans entrer en communication avec l'homme d'une façon parfaite, ils sont obligés de demander les services de certains égaux qui évoluent dans le cosmos et qui sont capables de construire des corps ou des véhicules d'une façon assez parfaite pour que lorsque, après l'incarnation, ces véhicules-là puissent entrer en résonance avec l'énergie des agiteurs de pensée. Parce que les agiteurs de pensée sont beaucoup plus des êtres inconscient de l'énormité du poids que vit l'homme, que des êtres conscients de l'énormité du poids que vit l'homme. On a tendance à penser que les anges savent ça. Les anges comprennent et connaissent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas l'expérience de l'âme. Et n'ayant pas l'expérience de l'âme, ils ont une tâche extrêmement difficile lorsqu'il s'agit de communiquer avec l'âme. Et c'est pourquoi l'âme est obligée de souffrir pour en arriver éventuellement à ouvrir certains centres d'énergie pour qu'ils puissent communiquer avec lui. Sans ça, ce n'était pas comme ça. Ces êtres-là n'auraient pas de raison de fusionner avec l'âme. Si l'expérience de l'homme était totalement comprise, était totalement saisie, était totalement... Si l'expérience de l'homme était parfaitement construite alentour d'une mémoire universelle, ces êtres-là n'auraient pas besoin de fusionner avec l'homme. Mais ils sont obligés de fusionner avec l'homme parce qu'il y a des limites dans leur expérience qui ne peuvent être développé que par le concours conscient de l'ego égal. L'homme a une tâche extrêmement essentielle à lui. L'ego de l'homme a une tâche essentielle à lui. Mais l'ego de l'homme ne connaît pas les limites de ces êtres-là. Et d'un autre côté, l'ego de l'homme ne connaît pas l'absence de limites de ces êtres-là. Si on était montré jusqu'à quel point nos corps sont facilement troublés dans leur réceptivité de leur énergie, on serait extrêmement attristé de notre expérience terrestre. Mais on n'est pas montré ces choses-là afin que notre expérience serve à construire des corps de plus en plus subtils au cours de l'évolution. De sorte qu'éventuellement l'astral se développe, le corps mental se développe, pour servir de meilleurs outils. Et dans la progression de l'évolution des corps, il y a toujours un problème entre l'homme et ces êtres-là. Et c'est le fameux problème de la pensée. Autant le phénomène de la pensée est essentiel à l'homme pour son évolution, et la coordination des activités entre haut et le bas. Autant la pensée de l'homme devient un obstacle absolument extraordinaire qui empêche ces êtres-là d'entrer en communication avec eux. C'est pour ça que lorsqu'ils veulent faire un travail sur une planète, s'ils veulent changer un cycle, par exemple, d'évolution, s'ils veulent donner à une planète une nouvelle naissance, ils sont obligés de travailler avec des êtres qui n'ont plus le pouvoir d'être humains. Des êtres qui n'ont plus le pouvoir de fonctionner comme des hommes, qui n'ont plus le pouvoir de fonctionner comme... des êtres sérieux, qui n'ont plus le pouvoir de fonctionner psychiquement, qui n'ont plus le pouvoir de penser, de mémoriser, qui n'ont plus le pouvoir d'être des humains. Quand un homme n'a plus le pouvoir d'être un humain, à ce moment-là, il est obligé, cet homme-là, de fonctionner toujours en résonance avec leur vibration. Et c'est pour ça que le rapport entre ces êtres-là, tels que moi, et les gens avec lesquels ils sont en contact, ce sont toujours des rapports à la fois chaleureux et à la fois très distants. Les rapports sont chaleureux à cause des vibrations, mais les rapports sont distants parce que la dimension exacte de notre compréhension des lois de l'esprit dans l'homme est tellement poussée que si on vivait notre vie en relation avec vous autres, dans le cadre expressif de notre connaissance, le poids de l'expérience que vous avez avec vous autres serait trop minime, serait trop grand. Parce qu'étant pas sujet à des conditions psychologiques envers l'homme, toutes les valeurs que vous avez et qui font partie de votre évolution, et qui sont essentielles à votre évolution, seraient bouleversées simplement, mais jamais rapiécées. Jamais on vous donnerait la chance de développer une perspective pour comprendre ce que vous devez comprendre. Ce sera simplement des chocs entre nous autres et vous autres. Et les chocs retarderaient votre évolution parce que ça prendrait un grand nombre d'années avant de vous remettre émotivement de la vibration du choc. Alors, on est obligé pour calfeutrer un peu nos rapports avec des armes, de développer des communications ou des paroles, des mots ou des idées qui vous amènent petit à petit dans une vibration supplémentaire, qui est digérable, qui a du bon sens, qui est présente, qui peut vous permettre de comprendre certains mécanismes. Mais on n'est pas capable d'assujettir notre conscience à votre conscience. On n'est pas capable d'assujettir notre vibration à votre vibration. Pas parce qu'on ne voudra pas, ou pas parce que l'amour manque, mais parce que on fonctionne purement vibratoirement. Pour nous autres, les formes, les sentiments, les désirs, tout ce qui est humain n'existe pas. Parce qu'on ne fait pas partie de la race des hommes. On a des corps humains, mais on ne fait pas partie de la race des hommes. Et c'est justement pour cette raison-là, parce qu'on ne fait pas partie de la race des hommes, qu'on peut expliquer à l'homme des mécanismes qui doivent éventuellement être compris par lui, pour que lui en arrive un jour ici à ne plus faire partie de la race des hommes. Sur le plan individuel, ne pas faire partie de la race des hommes peut sembler drôle à votre psychologie humaine, peut sembler un peu imaginaire. Mais les gens sur la Terre qui, un jour, entreront en contact avec les îles, les gens sur la Terre qui un jour réaliseront que l'invisible, ça n'existe pas. Parce qu'ils auront développé des outils pour voir dans l'invisible. Les gens qui, sur un jour, réaliseront le pouvoir du mental humain, sauront une chose. C'est que la vie de l'homme, antérieure à cette transmutation-là, n'était pas une vie réelle, mais une vie totalement transitoire. Si je vous parle d'une vie qui est totalement transitoire, vous autres, ça vous est bien. Parce que vous êtes encore dans la forme de votre esprit. Il y a encore du temps dans votre esprit. Et le temps de votre esprit, c'est un temps qui coïncide à la valeur psychologique de la vie que vous avez. Vous vous donnez dans votre vie la valeur du temps que vous voulez afin de compresser constamment les formes de votre esprit qui vous permettent de consolider la valeur du temps de votre savoir. Ça, c'est tout à l'échelle de votre psychisme humain. Toutes les idées que vous avez de la réalité sont en accordance avec vos émotions et avec votre mental intérieur. Tout ce que vous concevez du réel est en relation avec votre esprit. Et votre esprit n'est pas dans le réel parce qu'il est infecté par des formes qui font partie de votre nature humaine, animalisée par l'astral. De sorte que la dimension réelle de la vie pour vous autres, ça n'existe pas parce que la dimension réelle de votre savoir est en dehors de la limite de votre raison. Fait que si votre raison n'est pas capable de vous supporter ou de vous suffire, si votre raison est incapable de vous donner naissance sur le plan de l'esprit, il est évident que tout ce qui découle de votre raison est insuffisant à cataloguer dans votre esprit la nature de l'infinité du réel. C'est dans ce cadre-là qu'il vous est impossible de cataloguer d'une façon instantanée l'infinité de votre personnalité occulte ou l'infinité de votre personnalité cosmique et de réaliser la dimensionnalité ou la multidimensionnalité de votre être. De sorte que pour vous autres, la connaissance est essentielle, pour nous autres, c'est totalement de la terre. Autant la connaissance pour vous autres est importante, autant pour nous autres, la connaissance, ça ne nous sert absolument à rien. Lorsqu'on essaie de vous faire comprendre que la connaissance, ça sert à rien, à ce moment-là, votre connaissance, vous autres, l'intérêt que vous avez pour la connaissance augmente. Parce que l'intérêt de votre connaissance est directement axé au désir de comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que la connaissance est absolument de la terre. Quand on dit que la connaissance est absolument la thèse, on est extrêmement sérieux. On est sérieux non pas seulement sur le plan des mots, mais sur le plan de notre propre expérience personnelle. On vous communique de l'énergie par des mots pour vous permettre psychiquement d'employer votre esprit au meilleur de son potentiel psychologique. Mais on n'emploie pas des mots pour vous autres, pour vous permettre de comprendre ce qu'on vous dit. On n'est pas intéressé à ce que vous compreniez ce qu'on vous dit. Parce que ce qu'on vous dit, ça ne se comprend pas. Au stage, ou dans le stage, du développement psychique, ou de l'état psychique de votre être. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vous dit psychiquement. Vous pouvez comprendre mentalement, mais pas psychiquement. On peut se permettre de dialoguer avec vous autres d'une façon temporelle. On peut se permettre de discuter avec vous autres d'une façon symbolique. On peut se permettre de discuter avec vous autres simplement pour vous canaliser de l'énergie. On peut créer des situations psychologiques tellement complexes, tellement certes que votre esprit ne sera jamais capable de comprendre ce qu'on veut dire. Mais tout ce qu'on fait dans ce processus-là sert à une chose. C'est de vous déconditionner psychiquement pour vous apprendre une fois pour toutes que votre esprit déconditionné psychiquement doit être un jour ou l'autre lavé pour que vous puissiez comprendre mentalement ce que vous êtes. C'est essentiel pour vous autres de comprendre ce que vous êtes. Pas dans le cadre de la valeur psychologique que vous donnez à vos incarnations ou à vos visions de vie ou à vos plans de vie. Mais dans le cadre de la vibration qui passe dans le système quand vous en êtes conscient. La conscience de votre vie est totalement assimilable à une formation constante d'impressions émotionnelles et mentales. Puis un jour ou l'autre, vous allez être obligé de détruire en vous tout ce que vous vous imaginez. Vous allez être obligé de détruire en vous-même tout ce que vous vous imaginez, parce que tout ce que vous vous imaginez ne fait pas partie de vous-même, mais fait partie d'une annexion de votre esprit à l'esprit de la conscience terrestre. Et c'est justement ce qui vous empêche d'être totalement libre et d'être totalement désolé. Tant que vous pensez avec la pensée d'un autre homme, tant que vous vous servez d'un concept qui n'appartient, qui ne vient pas de votre terre, tant que vous vous servez d'une forme qui n'est pas la vôtre, et donc vous ne comprenez que l'aspect extérieur, vous ralentissez le pouvoir de votre esprit sur votre vie. Et automatiquement, vous ralentissez le pouvoir de votre individualité dans l'exercice de la conscience supramentale de la vie. C'est très grave. Bon. C'est extrêmement grave. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans le monde aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus dépressifs. Et l'humanité va devenir extrêmement dépressive au cours des années qui viennent. Parce que l'homme n'a plus le pouvoir aujourd'hui, il le perdra au cours des années qui viennent, de substituer un faux bonheur pour un autre faux bonheur. Avant, ça se faisait. Après la guerre, c'était la paix. Après vieux Ford, t'avais un nouveau Ford. Mais les années qui viennent, il n'y aurait plus de substitut. L'homme ne pourra plus regarder à gauche et à droite pour trouver une autre fausse valeur pour remplacer la fausse valeur d'avant. Et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que les gens vont devenir extrêmement, extrêmement déprimés dans leur esprit. Et rendu à un certain moment, les hommes ne pourront plus se lever de leur dépression. Et c'est lorsque les gens seront au fond de leur dépression que de grandes choses se feront connaître dans le monde et que beaucoup d'hommes et de femmes seront prisonniers de ces choses-là parce qu'ils n'auront pas compris les illusions. C'est pour ça que j'insiste de vous parler pour vous faire comprendre que tout ce qui regarde l'homme n'a rien à faire avec l'homme. Tout ce qui est important pour l'homme n'a aucune importance pour l'homme de demain. Parce que l'homme de demain ne vivra pas dans les conditions de l'homme de demain. Les choses les plus importantes pour nous aujourd'hui sur le plan matériel n'auront aucune importance dans ces conditions supplémentaires. Et l'ego de l'homme qui va de plus en plus vers la compréhension du supplémentaire doit émerger petit à petit. Que son changement vibratoire qui le met de temps en autre, dans des conditions d'isolation psychique, dans des conditions même de tristesse intérieure, ou dans des conditions de non-communication avec, possible avec l'extérieur, tout ça, tout ce qui isole, tout ce qui va vous isoler petit à petit, vous devez en arriver à réaliser que cette isolation-là est l'expression de plus en plus parfaite du supramental. Plus vous allez grandir dans l'effet du supramental en vous, plus vous allez sentir l'isolation, des fois la tristesse, des fois la joie, et plus vous allez vous sentir coupé du monde de l'humanité. Vous n'avez pas le choix. Le supramental, c'est une force qui divise l'homme, qui divise les âmes. C'est une force qui introduit sur la Terre un nouveau plan d'évolution. Alors, les individus qui sont dans cette force-là ne peuvent pas ne pas la vivre selon leur personnalité, leur tempérament et leur caractère. Pour vous autres, l'esprit, les contacts, les communications avec l'esprit, au stade où vous en êtes, ça peut être intéressant parce que vous faites des choses pas bonnes. Mais je vous avertis qu'un jour, vous serez obligé de mettre l'esprit dehors. Un jour, vous serez obligé de mettre l'esprit dehors. Vous serez obligé de contrôler tout ce qui pénètre dans votre mental et de réaliser que toutes les pensées qui pénètrent dans votre mental, si elles ne vous servent pas, doivent être totalement séparées de votre esprit. Vous ne pouvez plus vous laisser bourrer la tête, même par l'esprit. Avant, je parlais de bourrer la tête par l'homme, mais là, je commence à parler du bourrage de la tête par l'esprit. Il y a des êtres dans le cosmos qui sont très grands. Il y a des êtres dans le cosmos qui sont très grands. Quand je dis qu'ils sont très grands, je dis qu'ils sont très grands. Très grands. Il y a des êtres dans le cosmos pour qui les secrets n'existent pas. Il n'y en a pas pour la vie. Et quelle que soit l'expression de leur vie, quelques niveaux, soit le plan où ils agissent, ces êtres-là sont totalement en régence. Ce sont des êtres qui sont en régence. Ils ont le pouvoir de régir les lois d'évolution. Et à un certain moment, l'homme doit pouvoir reconnaître par l'intérieur ces êtres-là, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. L'homme, à un certain moment, doit être capable de voir assez clair pour pouvoir découvrir les hommes sur le plan matériel qui ont une responsabilité cosmique sur la planète Terre et qui travaillent directement avec l'hiérarchie les hommes doivent le découvrir intérieurement et c'est pas par l'extérieur que ces choses se découvrent, c'est par l'intérieur. Pour accélérer le processus de l'évolution et faire comprendre aux hommes qui ont le pouvoir d'accéder à un autre niveau de conscience que les temps s'acheminent vers l'explosion du supramental sur la planète. Il L'évolution de l'homme n'est pas conclusive, elle est totalement inconclusive. Et la participation des entités qui viennent sur les plans matériaux pour éduquer ou donner une certaine forme d'éducation aux hommes, quel que soit le véhicule, quelle que soit la méthode ou le format qui se sert pour faire ça, ce sont des formats qui sont vibratoirement en puissance et qui ne peuvent pas être abolis de la planète ou de la conscience. C'est pourquoi les individus, en tant qu'entité évoluante, en tant qu'entité qui, un jour ou l'autre, travailleront dans la pleine conscience de ces êtres-là, doivent participer aussi près que possible à l'activité de ces êtres-là par leur propre conscience en réalisant en eux-mêmes les différents aspects de leur propre miracle. Parce que chacun nous donne un miracle. Je peux tous vous les compter vos miracles. Vous en avez tout un. Un exemple de mirage, il y en a qui, depuis très très longtemps, se sentent un petit peu différents des autres. Il y en a parmi d'autres qui, depuis longtemps, savent qu'ils ne mourront pas. Il y en a d'autres parmi vous autres qui savent qui ont quelque chose à faire. Alors, le mirage se manifeste de différentes façons. Vous n'en connaissez pas l'aspect du mirage. Mais vous l'avez vécu, vous l'avez intuité. Mais à un certain moment dans votre vie, il va falloir que vous le connaissiez, ce mirage, et le compris, et pouvoir l'interpréter d'une façon parfaite, pas tomber dans la forme du mirage, que vous avez passé dans votre vie. Et plus votre conscience supramentale va se développer, puis vous allez prendre conscience de ce mirage. Il y en a d'autres, par contre, pour qui le mirage est totalement bloqué. Pour les empêcher d'aller trop vite. C'est bien subtil, n'est-ce pas? C'est bien subtil, l'évolution. C'est bien subtil, les relations que vous avez avec les autres. Vous ne savez jamais qui vous côtoyez. Vous ne savez jamais qui vous côtoyez. Pas d'idée. Vous vous sentimentalisez les réponses. Vous pouvez faire le retard. Vous pouvez espérer que ça marche. Vous colonisez ce que vous désirez, ce que vous faites à Dieu. Mais vous savez quoi. Qui doivent partir, je suis travaillé dans la télé. Nous sommes tous les mirages. Ils viennent d'où? Les mirages, ils viennent d'où? Les mirages font partie de l'intuition en vous qui sert à vous mettre, à vous donner une sorte d'orientation intérieure. Ça fait partie de votre connaissance cachée. C'est l'intuition, mais c'est pas assez l'intuition. On peut plus fonctionner au niveau de l'intuition. C'est dans le l'intuition, ça nous fait causer la tête partout. L'intuition, c'est jamais sûr. À ce moment-là, l'intuition, c'est jamais sûr parce que l'intuition, c'est jamais totalement compris. Mais moi, j'appelle ça comme une intuition, vous avez appelé ça miracle. Oui, j'appelle ça miracle. Comme le mot intuition, pour vous autres, c'est un mot, pour moi, ça veut rien dire. J'essaie de vous faire comprendre cette chose. J'essaie de vous faire comprendre la valeur absolue, la relativité absolue des concepts comme ça. Comme vous autres, où les gens parlent du subconscient et de l'inconscient, ça n'existe pas pour les subconscients. Pour les psychologues, ça existe. Le subconscient existe parce que les gens pensent que ça existe. S'ils ne pensent pas que ça existe, ça n'existe pas. Ou surtout que tu penses que toute chose existe, ça existe. Non. Ouais. Mais le mirage, quand on est là, c'est bon, il faut l'alimenter. Quand vous l'avez, il s'alimente tout seul, il reste là. À moins que vous le tuez. L'éducation peut le tuer, des choses. Mais en général, c'est mirage identitaire. C'est une sorte de prémonition. C'est une sorte de prémonition d'expérience quelconque. C'est pas une certitude parfaite. S'il y en a parmi nous autres, par exemple, qui ont le mirage de ne pas mourir un jour, disons que ceux qui l'ont eu, je ne ferai pas après comme ça, j'ai ouvert trop de fois. Mais disons avant, là, quand vous étiez jeune, que vous aviez l'impression qu'un jour vous mourrez pas. Vous n'étiez pas sûr que c'était ça. Vous aviez la sorte d'intuition certaine que c'était ça. Vous voyez, c'est différent. Entre l'intuition certaine d'une chose et la certitude d'une chose. Vous l'avez, tant qu'on ne la pousse pas au bout, aussitôt qu'on la pousse au bout, à ce moment-là, vous l'avez plus. Vous tombez dans le dos. Moi, j'ai résumé mon appel et j'ai dit, si je me suis donné cette idée-là, c'est que j'avais trop peur de la mort et je me suis comme fait à croire que ça vous... Ça, j'ai dit, vous tombez dans le dos. Au stage, là, vous êtes rendu à un stage, là, où vous êtes capable de comprendre comment je veux exprimer ce que je suis. Vous êtes rendu au stage où vous êtes capable de comprendre comment je veux exprimer ce que je suis. Et ça, vous comprenez pas ça. Il y a 5 parties. Quand je dis comment je veux exprimer ce que je sais, ça veut dire que je vous dis des choses pour engendrer en vous une vibration. Je vous dis des choses pour créer en vous une turbulence dans le psychisme humain. Je vous dis des choses pour que, tout à l'heure, demain, vous puissiez revenir sur ce que j'ai dit pour réengendrer la vibration. Je vous dis des choses pour oublier complètement votre esprit, pour vous forcer dans des couloirs. Puis ensuite, je vous dis des choses pour ouvrir les couloirs. Fait que les lois vibratoires de ça, de cette instruction-là, sont des lois d'énergie extrêmement grandes, extrêmement puissantes, extrêmement belles, mais vos égaux ne réagissent pas tous de la même façon à cette énergie-là. Chacun de vous autres réagit d'une façon différente à cette énergie-là. Mais pour chacun de vous autres, il y a une vibration éventuelle qui sert à vous amener de plus en plus vers le supramental. Une, là, comme elle, comment elle s'appelle, Mme Bouillard, est rendue comme ça. Elle est assise, elle écoute une conversation, écoutez le même. Là, elle est rendue de ta façon avec ton corps. Quand tu es rendu de ta façon avec ton corps, c'est parce que ton esprit veut se concentrer. Ça fait partie de l'humanité. Je ne veux pas dire que tout le monde faut que tu fasses ça avec ton corps. Mais j'explique le mécanisme en elle qui fait que l'esprit s'ouvre de plus en plus à lui-même pour pouvoir me percevoir. Parce que je vais vous dire quelque chose de bien intéressant, vous. Si on relève, si on est comme ça, là. Ouais. Même chose. Mais j'explique son cas à elle. C'est ça que je dis, mettez-vous pas tout de même. J'explique son cas. Laisse la main. Lui, je sais pas. Si je dis une chose, il me donne l'opposé. C'est pour expliquer le mécanisme de l'esprit. Je vais vous dire une chose, je croyais pas ça. Là, il va me dire, mais oui, tu nous dis ça, mais... Il change aussi, là, là. Essayez de me prendre. Je vais vous dire une chose. Plus vous me prenez objectivement, plus je change les vibrations de votre esprit. Vous comprenez ça? Plus, si vous me prenez objectivement, je ne veux pas que vous me croyiez, mais me prendre objectivement, mettre votre psychisme de côté, vous mettre au neutre, là. Et à ce moment-là, il se produit un changement vibratoire en vous. Et automatiquement, ce changement vibratoire-là change la libération de Christ. Parce que vous autres, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas. Mais moi, je me sais. Je me connais. Je me comprends. Je sais ce que je fais. J'essaie de vous communiquer ça, tout ça, là, à vous autres. Mais il y a une condition fondamentale que ça puisse se faire, ça. C'est que vous soyez totalement objectif quand je vous parle. Si je vous dis quelque chose, puis vous questionnez avec votre psychisme ce que je vous dis, vous diminuez la vibration. Si vous mettez au nœud la vibration à travers, c'est subtil l'affaire. Il y a des êtres pour qui c'est très facile. Le 7 est en arrière, puis il dort. Hein, puis il dort pas, mais ça rentre. Il y en a parmi nous autres que ça rentre. Puis ensuite, on se demande pourquoi ce sont ces hommes-là qui sont capables, en société, dans notre société, d'aider à d'autres personnes. Je comprends. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Moi, j'ai rien à vous prouver, j'ai rien à vous parler. Je suis un speaker. Je suis pas intéressé, moi, à vous prouver si c'est le même ou si c'est le même. Moi, je vous parle. D'abord, je prouve jamais rien. Je suis très jamais au niveau du vrai et du faux. Je suis très jamais au niveau de la polarité. Je fonctionne toujours de façon absolue. Mais fonctionner au niveau absolu, ça fonctionne avec certaines personnes qui ont un certain niveau d'évolution, mais ça fonctionne pas qu'il manque. J'essaie, c'est pas les gens avec lesquels ça fonctionne que je dois m'occuper. Ce sont ceux qui ne peuvent pas encore recevoir cette énergie-là d'une façon totalement neutre. Alors que je vous parle de n'importe quelle façon, vous êtes toujours libre de sacrer votre bien, de partager à moi, de partager à vous d'autres. Vous êtes toujours libre. Mais si je vous parle d'une certaine façon, parce que ça fait partie de la perfection de ma conscience vibratoire, à ce moment-là, plus vous vous mettez au nœud, plus vous augmentez votre taux de vibration, c'est dans le taux de votre vibration qui augmente et qui augmente et qui augmente que de vous développer la résonance nécessaire pour éventuellement vibrer au niveau supramental pour éventuellement prendre contact avec le vibrant et toutes les conditions de l'évolution. Je ne demande pas aux hommes de me comprendre. Je ne demande pas aux hommes de me croire. Parce que tout ça, ça fait partie du psychisme. Je demande simplement aux hommes d'écouter ce que j'ai à dire. Puis voir, alors, que ce que je dis, c'est ça. Quand les hommes sauront que ce que je dis, c'est ça, on saura tous que c'est ça. Quand les hommes seront... Les hommes ne seront pas plus hauts que nous, je ne serai pas plus haut que les hommes. On sera tous à la même longueur d'onde. C'est ça le but de mon travail. Pourquoi est-ce que je fais des rencontres, que je dépense tant d'énergie à gauche et à droite? C'est pour avoir la chance de parler le plus possible. Avoir la chance de passer le plus possible de cette énergie-là pour tourner le plus possible certains individus pour qu'éventuellement ils s'érigent dans la région géographique de la province de Québec. Une vibration supramentale suffisamment puissante pour empêcher la pénétration de toutes les parties du monde du psychisme spirituel. Je veux isoler la province de Québec vibratoirement des influences psychiques, spirituelles, intellectuelles, ésotériques ou occultes, qui proviennent du monde entier et qui éventuellement se déversent à Québec, parce que Québec, c'est une région du globe extrêmement importante en ce qui concerne l'évolution de l'humanité. Et pour que ce travail-là se fasse, qui est un travail cosmique, qui est un travail important pour l'évolution de l'homme, il faut que les gens dans la province qui entre en communication avec ma personne, en arrive un jour à pouvoir comprendre ce que moi je veux dire. parce qu'ils sauront ce que je veux dire, parce qu'ils auront, eux, le taux vibratoire coïncide avec le mien quand je dis la chose. Il ne s'agit plus, dans mon travail, de donner à l'homme de la connaissance qui est sujette à revenir dans deux semaines, dans trois semaines, dans quatre semaines, dans la réserve psychique de son intelligence. Il s'agit maintenant pour moi de parler à l'homme d'une façon tellement abstraite, tellement non personnelle, tellement non psychique, que les individus qui l'écoutent, quand ils l'écoutent, comprennent rien. Il faut que ça soit vide, le mental. Qu'il n'y ait pas de mémoire, qu'il n'y ait rien, rien, que ça rentre, que ça rentre. Et que les gens soient suffisamment supramentales dans l'instinct de cette communication, pour que lorsqu'ils retournent chez eux, ne sentent pas que la période qu'on a passée ensemble de telle heure ou de telle heure, qu'elle ne semble pas avoir été vide d'informations psychiques, mais qu'elle soit pleine de vibrations au niveau du supramental. Si les gens arrivent à pouvoir supporter ma présence parlante pendant des heures de temps à ce niveau vibratoire-là, je vais pouvoir me retirer avec 1980. La résonance vibratoire sera assez forte en 84 pour que je puisse cesser ces activités-là puis aller à d'autres activités. Ah, les gens conditionnent, si vous voulez, le temps que je dois passer sur le plan matériel pour faire ce travail. Et pour pouvoir être réceptif vibratoirement à ce que je dis, pour oublier les mots, pour oublier la personnalité, pour oublier l'intérêt qu'on a pour le psychisme, ça prend des gens qui peuvent m'aimer beaucoup, m'aimer dans un sens totalement interne, pas m'aimer sur le temps de ma personnalité, mais m'aimer par l'intérieur, des gens qui peuvent me sentir par l'intérieur, des gens qui peuvent me réaliser par l'intérieur. Parce que j'ai pas la liberté de révéler à l'homme ma présence sur le plan matériel. Mais j'ai le pouvoir de révéler à l'homme ce que je suis vibratoirement sur le plan matériel. Et ça, je le fais par la conscientisation des esprits de l'homme que je rencontre. Et par la conscientisation des esprits de l'homme que je ne rencontre pas, mais qui seront rencontrés à travers vous autres, parce que le net de la conscience supramentale est mondial. Et un homme qui travaille sur le plan universel n'a pas besoin de se promener d'un bord puis de l'autre. Ça se répand sur le monde. Ça passe les frontières, ça passe les pays. Mais ça se fait lorsque un certain nombre d'individus ont atteint un niveau de conscience suffisamment puissant pour qu'il y ait dans la conscience planétaire une résonance et que cette résonance éventuellement part d'un individu à un autre individu par des chemins qui sont souvent cachés ou par des chemins qui ne sont même pas, dont vous n'êtes même pas conscient, mais qui traversent en Europe et en Amérique du Sud. Il y a déjà des gens en Europe qui continuent, qui permettent le passage de cette vibration-là. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a dans tous les pays du monde. Et ça s'accroît. Un jour, ça sera suffisamment élevé pour que le contact se fasse à d'autres niveaux, pour que les âmes, dans toutes les nations, puissent se noyauter et passer à une autre étape de l'expérience de l'âme, qui est l'avenir du surhomme sur la terre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la conscience vous soit donnée dans un instantané. Parce que si la conscience vous était donnée dans un instantané, vous ne seriez pas capable de la supporter. Alors, la conscience vous est donnée petit à petit, graduellement, mais elle vous est donnée. Et elle vous est donnée par le truchement du pouvoir de la parole, et non par le truchement de l'exploitation du pouvoir. exilé par le touchement de la parole pour que vous puissiez comprendre la dimension interne de votre propre savoir. Si elle vous était donnée par le touchement du pouvoir, si elle vous était donnée par la manifestation du pouvoir, votre corps astral, votre corps de désir, votre mentalité subjective, votre mentalité psychique serait tellement mesmérisée par le pouvoir qu'il vous serait incapable à vous de distinguer entre le pouvoir que vous voyez et d'autres pouvoirs qui peuvent être manifestés sur le temps entier. Alors, vous n'auriez aucune sécurité. C'est pour ça que dans le travail que j'ai fait, je commence au début à parler aux gens du système de la pensée, à leur faire réaliser que c'est un autre langue, à leur faire réaliser qu'éventuellement qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent parler avec un autre niveau d'intelligence, à leur faire réaliser que l'autre niveau d'intelligence est des mots du menteur, à leur faire réaliser que l'autre niveau d'intelligence éventuellement doit leur servir, à leur faire réaliser petit à petit toutes sortes de choses au fur et à mesure que je parle, pour que les individus en viennent une fois pour toutes à être totalement autonome. Vous savez pas comment est-ce que c'est important d'être autonome. Vous savez pas comment est-ce qu'on est bien quand on est autonome. Vous savez pas comment est-ce que c'est facile la créativité. Vous savez pas comment est-ce que c'est facile la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes pas encore santé. Alors, l'expérience que j'ai avec vous autres, qui est une expérience globale, c'est une expérience directement liée à un niveau d'évolution que vous connaîtrez un jour. Cette expérience-là est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite. Elle est tellement gratuite, cette expérience-là, que si elle cessait cette expérience, avant son tapis, il n'y en aurait pas de conscience supplémentaire. Si cette expérience-là, si la personnalité n'était pas maintenue vibratoirement par des forces très grandes pour continuer un travail qui est ardu, qui est répétitif, qui est simpliste, qui est terre à terre, qui est extrêmement réel, la conscience supplémentaire ne se manifesterait pas sur le plan de Je vous dis ça pour vous faire comprendre l'importance de sentir intérieurement avec qui on a affaire. Ça, vous avez tout votre vie. Dans toutes vos expériences de vie, vous aurez à savoir avec qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas perdre votre temps avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas perdre votre temps avec n'importe quel homme. Quand vous établissez des relations avec les hommes, ça doit être des relations qui augmentent votre pouvoir de vie, qui augmentent le pouvoir de vie de ces gens-là. Vous ne pouvez pas perdre votre temps avec les hommes à diminuer l'intensité de votre expérience. Si vous perdez votre temps avec les hommes, un jour, vous réaliserez que vous êtes à cette perte. On a toujours des sentiments dans la vie. Et ce sont ces sentiments-là qui retardent la vie. C'est le partage des autres. C'est la division de toute une race sur une planète. C'est le commencement d'un cycle. C'est l'approfondissement d'une science. C'est la complétion d'un cycle de vie extrêmement important pour l'humanité parce que si le supramental descendait pas sur la planète Terre, l'homme se détruirait. Calculez pas les rencontres qu'on a ensemble par la mesure de ce qui est dit et de ce qui est interprétable psychiquement. Calculez la valeur des rencontres qu'on a ensemble simplement sur le plan vibratoire de ces rencontres. Pour que moi je puisse continuer à vous canaliser de l'énergie pour que vous autres-mêmes puissiez en arriver à partir de la vibration et à comprendre la dimension subjective, émotive, mentale de votre propre vie pour que vous puissiez être heureux. Vous avez la chance d'être heureux. Mais votre joie de vivre est toujours proportionnelle à la volonté que vous avez d'éliminer de votre vie ce qui retarde. Que ce soit n'importe quoi. Quand vous aurez la sensibilité des vibrations, vous verrez que la moindre vibration peut vous attacher et vous relier. Et vous en serez conscient de cette vibration. Si vous avez une dette d'une vibration, quand une dette n'est pas aussi heureux que quand tu n'as pas de dette, même si elle est payable ta dette, même si tu travailles, même si tu vas payer demain ta dette, tu l'as encore à soir, il y a une vibration. Si tu attends une dette de quelqu'un, il y a une vibration. Bon, mais toutes ces vibrations-là, c'est comme des fils invisibles, ce sont ces fils invisibles-là qui vous empêchent de fait qu'au fur et à mesure que vous conscientisez et que vous devenez conscient des vibrations, vous apprenez à comprendre la réalité de la vibration, puis c'est là que vous apprenez à détruire et à couper les fils de cette vibration-là, de ces vibrations-là. C'est là que petit à petit, vous en arrivez à vous libérer de du karma humain. Si t'aimes quelqu'un, puis t'aimes pas, c'est que là, il n'y a rien là. Pour aimer, il faut être aimé. Si t'aimes quelqu'un, puis t'aimes pas, tu persistes, puis t'aimes pas, puis il sort quelqu'un d'autre. Tu sais, ça n'arrête pas. Ouvrez-vous bien le fil. J'encourage pas que les gens coupent les fils. J'encourage que les gens arrivent à découvrir, savoir, réaliser s'il y a des possibilités. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est plein de fils. On est comme des vrais marionnettes. Si vous voyez dans l'invisible, vous verriez que c'est effrayant jusqu'à quel point on est marionnette. Oui, je vais prendre, je vais ouvrir le bout de cœur. C'est effrayant. Effrayant. Elle est là dans le coin, elle regarde sa montre. C'est une vibration, c'est un fil. Je le coupe. Comprenez? Elle fait sa job, moi je fais la mienne. Comprenez? Moi, je pense pas, faut qu'elle me parle d'erreur de temps en temps. Mais j'essaie de vous comprendre, c'est un fil. Aussitôt qu'elle regarde sa montre, j'avoue, c'est un fil, c'est une vibration. Jacob. Je m'occupe pas d'elle. Après ça, elle me regarde, elle me remonte en gauche. Ah, là, ça arrête. Les fils invisibles. Des impressions. Puis on les vit, puis on les subit constamment, ces vibrations-là. Et ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Ça, c'est au niveau humain. Imaginez-vous quand vous commencez à parler des fils avec les autres, c'est du 220. Ça, ces fils-là, tu ne peux pas les couper. Fait que t'es top. C'est le devoir. Et les fils humains, au moins, ils peuvent couper. On vit dans des toiles d'araignée, ma pauvre fille. On vit dans des toiles d'araignée qu'on ne réalise même pas. Qu'on s'en crée des toiles d'araignée, qu'on en crée. Et vient un jour qu'on n'est plus capable d'en créer, qu'on ne veut plus en créer. Ça, c'est quand on l'a réalisé. C'est ça. On n'est plus capable. Parce qu'il vient pas avec de petite force. De petite force. Il n'y a plus d'énergie à perdre, là. Tu fonctionnes sur le minimum de l'énergie. Tu vas en perdre l'énergie. C'est toute l'astral. Tout. Vous êtes chanceux, hein, vous autres, parce que vous autres, les filles, vous les coupez au fur et à mesure que vous comprenez. Mais, je te dis que quand tu travailles directement avec les autres en fusion, qui se font couper les îles, tu prends le backlash. C'est eux autres qui se font couper les îles. Mais la réaction, c'est que l'avenir, c'est toi qui apprends. C'est là que tu construis tes corps, tu construis la résistance, tu construis la résistance. C'est quand tu fais ta tête de chien, c'est pas un cadeau. T'aimes bien le monde, tu sais qu'ils te comprennent pas. Ta belle-mère, elle te comprend pas. On se fait violence constamment. J'en parle des films, là, vous savez ce que je dis, des films. Le fil en le groupe La Belle-Mère, le fil en le groupe des sentiments, les liens. C'est ça qui empoisonne notre existence. Moi, j'ai des raisons de ne pas être heureux, parce que j'ai trop d'énergie, je suis sur un plan qui est trop difficile. Vous autres, vous n'avez pas de raison de ne pas être heureux. Vous pouvez être bien dans votre peau. Ma femme, moi, est totalement heureuse. Et voilà, moi, nous. Comprends, les filles, elles sont plus bien, elles écoutent. Ouais, quand même. Il n'y a pas le 220 qui fusionne, qui est correct. Ça casse tout le reste. À couper les fils, c'est pas gagné, eh ben. Non, je donne ma petite carte de crédit qu'elle est au magasin, elle est contente. Ah, c'est pas de crédit, il n'y a pas de problème. Les gens ont la chance d'être heureux. Mais c'est les fils. Surtout les fils de l'amour, c'est des cocottes, là. Les fils des sentiments liés à l'amour, ça c'est des peurs. Parce que c'est bien la sécurité. L'amour, c'est pas de sécurité. Quand tu es avec un gars de 10-15 ans, comprends-tu, c'était des enfants, c'est pas facile. La sécurité. C'est ça qu'il faut être bien judicieux, puis bien regarder les affaires. Il y en a-t-il des possibilités s'il n'y en a pas? Tu peux pas mettre un mariage à la main. Mais il y a des unions entre les hommes qui. Il n'y a plus rien. C'est mort. Je veux la vie qui se trotte comme un vrai. Un union entre un homme et une femme, il faut que ça marche. Entre un homme et une femme, ou un homme et un homme et une femme et une femme, il faut que ça marche. Ça marche pas, il faut que mettre ça à terre. Ça marche pas, il faut que tu changes. Oui, tu l'as une. Il y a un bel abondance, ça, que je dis. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est la plus répétition, là. C'est pour ça que les hommes... D'abord, on va vous dire une chose. On va vous dire, ben tête, ben net. Un jour ou l'autre, si votre femme ou si votre mari n'est pas dans la vibration, un jour ou l'autre, il va ou elle va être plus de l'être. Ou vous allez être obligé de décider. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans. Mais votre partenaire, il faut qu'il soit dans la vibration. Un jour ou l'autre. Son rythme, son évolution, un jour ou l'autre, il faut qu'il soit dans la vibration. Sans ça, vous ne serez jamais capable de fonctionner ensemble. C'est deux mondes différents. C'est dommage que ce soit moi qui soit obligé d'expliquer ça. Parce que je préférerais que les gens rentrent tous dans la vibration. Comment est-ce que tu veux être heureux avec une personne si tu ne comprends pas? C'est impossible. Tu veux jouer des games rendu à ce niveau-là? Lui, il va parler de Cheaton, puis tu vas parler de la cinquième dimension? À ce moment-là, on est plus peint tout ça. Moi, je sais que le mouvement, la descente du supramental sur la Terre, c'est absolu. C'est un raz de marée extraordinaire. C'est tout intérieur. C'est tout intérieur. C'est ça qui est le pire. Parce que c'est tout intérieur. C'est plus social, là, puis des groupes, des organisations, puis des cartes de membres, là. Il n'y a pas de cartes de membres là-dedans. C'est tout intérieur. Puis quand tu rencontres le gars, comment il vient d'être Timbuktu, s'il est dans la vibration, il est dans la vibration, puis tu le sais, parlez le même langage. Thank you. pitié devant l'homme, c'est extraordinaire. Mais j'haïs ça parler de l'avenir, tout le temps j'haïs ça parler de l'avenir. Parce que l'avenir, c'est écrit, c'est là. C'est tout de suite, tu comprends. Quand vous avez des questions qu'on se rencontre avec, que vous avez des choses qui sont pas claires dans votre esprit, demandez-moi-les pour que ces petits blocs-là soient éclaircis pour que vous puissiez voir. Demandez-moi-les. Des affaires d'aujourd'hui, ça m'intéresse. C'est connu. Il n'y a rien. C'est ce qui va venir. Ça, tu viens de dire. Le futur, c'est connu, mais c'est pas ça qui est important. Ben oui. Je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça. Le psyché fonctionne. La contradiction pour le psychisme, c'est une contradiction. Pour le supramental, les contradictions, ça n'existe pas parce que le supramental, c'est synthétique. Mais faut que les gens comprennent vibratoirement ce que je dis. Si je dis ce qui m'intéresse, c'est demain, c'est pas aujourd'hui, ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas important pour l'homme parce que c'est une période de transition qui mène à l'autre vie. Si je dis demain, c'est pas important, ce qui compte c'est aujourd'hui, ce que je veux dire, occupez-vous pas de ce qui va se passer demain, occupez-vous d'aujourd'hui. Ça ne dérange pas tellement, parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est l'instant présent. Oui, oui, d'accord. Mais si je continue à parler comme ça, j'en ai un avis. Oui, oui. Mais c'est ça. Moi, je te parle plus. C'est toujours pour détruire la force. C'est ça, c'est ma réponse. Il y a deux façons de me comprendre. Il y a une façon avec l'esprit de mental, l'intellect, qui crée la contradiction. Parce que c'est évident la façon qu'on lui explique. C'est une contradiction. Ou il y a une façon qui est purement vibratoire. Si vibratoire, si je dis c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que c'est important, c'est le même. C'est vibratoire. Si vous me demandez que c'est jeudi, mais là, vous m'expliquez. Si je dis que c'est demain qui est important pour aujourd'hui, c'est vibratoire. Si vous me demandez, vous m'expliquez. Fait que là, vous allez avoir les deux côtés de la contradiction. Ça va être défini. Mais si vous ne me le demandez pas, à ce moment-là, vous allez rester avec cette contradiction-là. Puis c'est ça qui alourdit l'esprit. Mais ça, je fais tout le temps ça, des contradictions. C'est tellement facile quand on est supramental de contredire tout ce qu'on a dit avant parce qu'on n'est pas attaché à la forme. On se sert simplement de la forme pour véhiculer l'énergie. Je me contredis jamais parce que tout ce que je dis, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est synthétiquement reconnaissable à la vue de la conscience supplémentaire. Je peux toujours réorganiser, réexpliquer. La contradiction, ça fait partie de la dualité de l'esprit. Le bien et le mal. Le bon et le mauvais. Le positif et le négatif. Dans le supplémentaire, ça existe aussi la parole. Mais nous autres, on est conditionnés à la polarité. Le corps mental, le fait que vous avez des pensées positives, des pensées négatives, ça fait partie de la polarité. Puis on vit là-dedans, puis on lâche là-dedans, puis on grandit là-dedans. C'est l'essence de toute notre compréhension philosophique de la vie. C'est pour ça que le passage du mental, l'inférieur au mental supérieur, c'est toute une expérience. Mais si je t'appelle comme ça, vous pourriez jamais comprendre ce que je veux dire, éventuellement. C'est pas ce que je dis qui m'intéresse. C'est ce que j'implique dans ce que je dis. Ce que je dis. Je peux dire d'une façon là, puis ensuite me dire d'une autre façon, ça va paraître totalement contraire. Puis une fois que l'homme a dépassé le cap de ça, là, ils en ont joué. ça, vous avez vos points de référence intérieure. S'il y a des choses que je vous dis, que vous ne comprenez pas, moi, là, ils vont vous l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas à ce moment-là, vous allez l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, ben, ça va rester dans votre esprit jusqu'à temps que ça se calme, que ça arrête. Ça fait un an qu'on se connaît, là. On est tout pareil. Dans deux ans, les choses où je dis que bon, ça va être des étapes. Dans trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. On peut pas assujettir la réalité du devoir à la dimension psychologique de notre savoir-vivre. L'état idéal pour l'homme qui va l'appeler Dieu. L'état idéal. En tant qu'un Dieu, c'est là. C'est pas de problème. Il faut que je la fasse le travail pour que je vienne à cet état-là. Je peux pas. Je peux pas me plier au désir intellectuel de votre ego. Vous êtes juste fait d'en avoir un ego, teint. Je vais vous le faire. Mais c'est pas ma job. C'est un cap que j'ai dépassé depuis longtemps. Le but de mon travail, c'est d'instituer sur le plan matériel une vibration suffisamment puissante pour que les hommes puissent entrer dans le sutra mental. Les considérations psychologiques que vous avez envers la connaissance sont vraiment des considérations psychologiques qui font partie des déterminés de votre savoir. Vous voulez travailler, vous voulez discuter, vous voulez contempler, vous voulez vivre au niveau du cosmos, comme vous dites dans vos mots. Vous ne pouvez pas faire ça dans des conditions humaines. Vous pouvez faire ça dans des conditions parahumaines ou suprahumaines, ou des conditions hautes, que les conditions qui ont établi des liens entre l'homme et la femme. L'homme doit être capable de créer des formes nouvelles. Il ne doit pas être assujetti à aucune forme ancienne. Alors, la façon de faire, c'est de faire. J'ai détruit constamment des formes. J'ai aucun respect pour vos intelligences. Aucun. Je respecte les intelligences. J'ai aucun respect pour vos intelligences. Je promets que vous aurez des docteurs. Mon frère m'envoie d'ailleurs. Le supramental, c'est le supramental. Le mental, c'est le mental. Je comprends. Oui, je comprends. Je le respecte quand t'as l'air. Je profite. Mais chaque homme, a un cap à dépasser. C'est le psychisme. Quand on se rencontre, comme ça, ça avance, à son rythme, chacun au bout de son rythme. Mais il y a des gens, je parle à des gens, ils ont des points de référence intérieurs tellement développés, ces gens-là, que leur facilité de compréhension est aussi grande que la mienne. Où ils n'ont pas la vibration telle que la mienne, c'est dans le pouvoir de descendre la vibration sur le plan humain. Mais de la capter, la vibration, il y a. Un jour viendra où votre sensibilité du devoir sera tellement grande que ça n'importe plus ce que je parle, ce que je dis. Rien que le fait de parler avec vous, ça vous mettra dans les choses. Il est là le pouvoir de l'énergie du devoir. L'énergie du devoir, c'est total. C'est parfait. C'est simplement l'ego qui peut la déformer, la déformer, la déformer. Une fois que l'ego est sensibilisé à cette énergie-là, ça part, ça part, ça part. Là, l'esprit monte en vibration, ça monte, ça monte. T'en arrives à un point, tu comprends. Hein? C'est là que tu comprends la fameuse parole que j'ai dit au début, c'est bien là. Si vous savez combien j'aime vos personnalités, même si vos personnalités sont pas encore assez liées à votre ego, je les aime, vos personnalités. Moi, je vous aime comme vous êtes. Mais parce que je vais en arrière, je vais en rester en arrière, et comme vous êtes, vous êtes. Parce que je vous considère tous comme des êtres qui ne connaissent pas en eux leur grandeur. Si vous ne connaissez pas votre grandeur avant un certain nombre d'années, votre grandeur ne sera pas mesurée à la grandeur de votre personnalité. Sans ça, je pourrais pas perdre d'énergie, là. Si je vous aimais pas individuellement, je pourrais pas vous voir. Je ne serais même pas mieux ici. Je pourrais évidemment vous dire pas voir. Alors, quelle que soit votre personnalité, si vous avez une grande éducation, une petite éducation, vous avez des acteurs des formes, vous pouvez se rendre plus. C'est votre vibration qui est essentielle. Puis en égalisant le rapport entre nous et vous autres, ça égalise le rapport entre vous autres et vous autres. C'est là que vous en allez éventuellement à former une sorte de société anonyme dans laquelle vous avez des rapports vibratoires intéressants qui vous permettent de parler avec des gens qui vous comprennent. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous allez rencontrer des gens. Vous êtes tout seul. Si vous pouvez être seul, si vous êtes seul, c'est parce que vous voulez l'être. Vous n'êtes pas obligé de l'être. Autant vous n'avez pas besoin de toujours être en compagnie, autant vous avez besoin d'être en compagnie quand vous voulez. C'est une grande excellence pour l'homme qui cherche, qui se cherche. Parce qu'il vous devrait tenir. Vale. Faut pas analyser les situations. Tu sens, tu regardes. Éventuellement, tu peux la mesurer, la situation. Si tu viens avec une personne, éventuellement, selon ton expérience avec cette personne-là, tu sais si cette personne-là est à longueur d'onde ou non, ou si elle peut l'être éventuellement, c'est à longueur d'onde. Tu le sens intérieurement, tu perçois les événements de la vie, te le démontrent. Quand je parle de ça prend deux ans, je dis, par exemple, une personne peut être en évolution vers l'expérimental, puis une personne ne peut avoir eu contact avec cette énergie. Il y a un déséquilibre qui se fait. Okay? Mais la personne qui n'a pas eu contact avec cette énergie-là, un jour peut l'avoir eu contact avec cette énergie-là. Ça peut être dans deux ans, ça peut être dans six ans. Donc, c'est à la personne qui est en contact avec l'énergie de sentir s'il y a une possibilité avec cette personne-là d'entrer en contact avec cette énergie-là. À ce moment-là, tu peux attendre 2 ans ou 2 mois ou 6 mois. Par contre, il y a des gens, tu sais que ça ne peut pas. Il y a des gens qui sont barrés à 40, là. Tu sais qu'il y a rien à faire. Quand tu sais, quand tu demandes certains que tu veux faire, il y a rien à faire. Tu sais, de casser la tête contre lui. Bon, c'est ça. Ça dépend toujours de vous autres, ça dépend de votre résistance, ça dépend de bien des facteurs. Tu peux, une personne peut très très bien aimer son mari ou sa femme, si lui est là-dedans, puis elle ne l'est pas. Mais il y a un lien d'amour qui est très. Parce que les gens ont des qualités. C'est pas parce que vous êtes dans le système mental que les gens qui sont dans le système mental n'ont pas des qualités. Ils ont des très grandes qualités, ces gens-là. Vous, ça donne que vous passez, vous avancez sur un chemin de façon assez rapide. Et ces gens-là, peut-être qu'un jour, auront la chance d'avancer d'une façon rapide ici. Mais en attendant, c'est pas parce qu'ils sont pas sur ce chemin-là que leur valeur, ces gens-là, doit être rejetée. Là, souvent, dans ce cas-là, c'est que votre transformation en vous va être accélérée justement par votre contact avec une personne qui est dans le hors de l'éducation. Parce que ça va vous faire porter de développer la patience, la résistance, du tact, la discrétion, toutes sortes de choses. Tu vois ça? Une personnalité va servir à l'autre, à l'évolution de l'autre personne. La situation idéale, c'est que deux êtres soient sans même vibration. Vous autres, vous êtes chanceux, donc, c'est ça. Je me rappelle la journée. Ça va chanter. C'est bon, c'est pas mal. Tu sais que tu t'es pas tout le temps. Oh, sit down, you're gonna get tired on your legs. Sit down, you're gonna get tired on your legs. Yeah? Now, the three of two is the voice of this is a video. Just a good job. Set the camera, throw out that. Au moins, vous êtes toute seule. Vous rappelez? Vous êtes plus seule. Vous êtes plein de monde qui passe dans la même machinerie. Plein de monde. Ah, c'est ça? Des fois, je me trompe. Oh, oui, je comprends. Pourquoi est-ce que c'est tough? Moi, vous dire pourquoi est-ce que c'est tough. Moi, je me rappelle, j'ai eu une expérience, moi, faut pas vous compter des détails d'expérience, mais j'ai eu une expérience une fois avec un autre. Il m'avait préparé. J'étais en maudit. Ah. J'ai dit, pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par ça? Donc, tu verras. Il dit combien de temps? Il dit une couple de jours. J'ai dit jour ou la nuit. Parce que moi, mes enfants, c'est plutôt la nuit. Il dit tu verras. Quand j'ai eu l'expérience, j'ai compris exactement ce que je voulais dire. Exactement. Moi, j'ai déjà eu des contacts là, avec mon âme, là. D'énergie qui passe l'âme, là. Tellement, bah, ça va tellement vite, cette énergie-là, là, que quand ça descend sur le plan matériel, là, saute dans mon lit demain. Puis saute, là, c'est pas descriptif, cette énergie-là. Mais ça te donne une chienne. Moi, j'étais un homme fusionné, j'ai pas peur de grand-chose. J'ai pas peur des forces. Mais ça te met le choc vibratoire te crée une peur là, assez grande là, qui t'en monte de même dans ton lit. Je suis obligé de dire sacrement, prenez ça les airs. Puis on est tourné. Ça m'est arrivé 22 fois. Ça. C'est arrivé après 2-3 ans après le contact, là, puis dernièrement. Ma femme a dit, bon Dieu, c'est sport. C'est comme ça que tu donnes la résistance. Une sorte de résistance derrière. Et le choc vibratoire, c'est de l'énergie. Quand ça descend, ça part des plans, là, ça descend en bas. Là. Je te jure que tu l'es. Moi, je vous parle de toute votre schiste, de ça, je vous explique, ça devient. Ça tient à faire des parts. Mais je sais pourquoi ce que je le fais. Parce qu'avec vos formes, cette énergie-là, pensez ça. Pensez ça. Il ne manque pas de permission. Mais après, si tu as encore besoin de résistance, de développer des résistances. Les corps, le corps matériel, le cœur, tout ça, c'est très fait. Pas fait en bois, moi. J'ai un cœur, c'est dit. J'ai suivi une initiation qui a mis tout mon corps matériel à terre. J'ai plus de force. Moi, j'ai l'air bien fort parce que je parle, j'ai bien l'énergie, mais je n'ai pas de force, je me traîne. C'est des réseaux. C'est comme si ça fait comme un tracer, là. L'énergie à descend, là, ça fait un tracer. Et ensuite, l'énergie à descendre. Si vous la canalisez, après ça, à ça crée un canal. C'est comme si ça crée un autre canal. Ça crée un autre passage. Un chemin. Ouais. Ça crée un autre passage. Ça va aussi dire. Là, le passage est créé. Il y a pas ça, mais là, ils font passer l'énergie. C'est le fluide des corps. Hein? C'est le fluide des corps. C'est un des corps de la force. C'est un autre. C'est comme un autre circuit. C'est comme s'il rouvre un autre circuit pour faire passer certaines énergies. Quand ils font ça, ça rouvre un circuit, puis ensuite l'énergie part de là. Mais quand ils rouvrent cette affaire-là, c'est pas un cadeau. Tu sais, quand tu dis que tu vas passer du 220 dans le corps, c'est un petit peu de mal. Ça te permet de recevoir une autre énergie. Ça te permet de canaliser une autre énergie. C'est une autre raison d'être, c'est ça. Parce que, je vais te donner un exemple. Tout est énergie. Le savoir, c'est énergie. Tout est énergie. Ici, supposons par exemple que moi je veux faire une cassette, c'est telle chose. Supposons que moi je veux faire une cassette qui explique les forces du magnétisme de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? Qu'est-ce que c'est le magnétisme de la Terre? Qu'est-ce que c'est... Nirvana. Bon, mais j'ai besoin d'une vibration. Ça me prend une vibration. Quand tu ne me donnes pas cette vibration-là, je ne peux pas le faire. Il faut que j'ai une vibration particulière parce que quand je parle de telle chose, il faut que mon esprit puisse recevoir l'énergie pour pouvoir le parler et le développer. Parce que je pense pas. sont obligés de me faire passer l'énergie dans le corps. Faut qu'à part, faut que j'ai la résistance d'apprendre l'énergie-là. Fait que quand ils me donnent ces shots-là, là, c'est la deuxième fois derrière là, c'est pour faire passer d'autres vibrations. Mais moi, j'ai subi le choc de ça. C'est physique, ça descend jusque dans la matière, ce choc-là. C'est pas un cadeau. Quand t'as l'impression d'être fourraide, là, c'est parce qu'il change les vibrations de ton corps mental intérieur. Autrement dit, tu commences à fonctionner dans le mental avec une vibration supérieure. Le fourraide, là, c'est le détachement temporaire de la forme. C'est comme les idées, là. Les idées avant n'ont plus la puissance qu'elles avaient. Fait que t'es sur une autre longueur d'onde. Fait que là, t'as plus de points de référence. Avant, t'avais des formes, t'avais des points de référence et tout ça. Là, tu n'en as plus. Mais c'est ça le fourraide. Hein? Puis après ça, ça se part. Très spécial. Dans des fourrettes. Après ça, ça se passe. Là, tu t'aperçois que tu es fourrette. C'est normal, ça se passe. Et ensuite, tu peux. En général, quand tu es fourrette une fois. Retour l'impression qu'on ne passera pas trop. On passera pas au travail, mais on passe au travail. Moi, je l'ai vécu, le fourrette, dans mon contact. Je suis à fourrette dans mon. C'est comme une nappe. Mais je t'avais un cadre. Ça fait intérieur, la connexion. C'est pas normal. Puis dans la langue, là, je suis plus net. Mais sérieux. J'ai dit, je suis fou net, mais j'ai dit, je reviendrai à ma si je me revenu. Fait qu'elle dit à moi, parce que là, je commençais, tu sais, j'étais investi. Là, je commençais à parler de la cinquième dimension, de la septième dimension. Donc, elle dit, c'est un mental, t'as pas eu le temps, bien. Elle dit, va donc voir un psychiatre. Non. Ouais, oui. Mais en dedans, je savais que j'étais en tourette. Mais je savais que j'étais en tourette. J'ai dit à elle, j'ai dit, m'a faire un test. J'ai dit, va vous une partie d'échec et tout. C'est comme ça. Je suis allé voir le psychiatre. Pour faire jouer un peu. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu mon frère. Là, je suis venu bien normal. Bien supramental. Ils m'ont redétourné un peu. Fait que le gars, il disait à moi, c'est pas tout qui est poussé. Parce qu'elle était paniquée, quand même. Mais mes corps étaient tellement sensibles, quand je suis rentré, il y avait une salle à l'arrière, il y avait des gens malades. Je regardais la salle, les couleurs dans la salle. De la façon que, toute l'éther de la place. Là, j'ai commencé à définir, à tirer les couleurs de mon frère. Les gens. Le gars, il en revient pas. Il dit, après des études là-dedans, je dis. Là, j'ai dit, docteur, j'ai dit, on fait une game d'échec. Il dit, dans votre état, il dit, ah oui, je vais pas venir. Ça va me relaxer. Moi, quand je joue aux échecs, je joue aux échecs. Ça va vite. Je pense pas. Le gars, il va sortir même après-midi. Mais ils m'ont fait aller là pour me prouver à moi-même que j'avais la résistance psychologique de déterminer mon sort comme étant pas fourraide, même si j'étais fourraide. Tu sais que t'es fourraide, mais tu sais que t'es pas fourraide. C'est comme le fond d'un oignon. Tu sais que t'es pas fourraide, mais tu sais que t'es fourraide. Mais la partie qui sait qu'elle est pas fourraide, est pas fourraide. C'est de penser. tu peux pas. Tu peux plus penser à quelque chose. Quand tu rentres, là, de même, tu peux plus penser. Non, mais imaginez, vous savez, j'essaie de penser à ce que tu fais dans la vie, mais pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Seulement, ils ne gardent pas là-dedans tout le temps. Non, c'est pas ça. Ils gardent là la phrase. Quand c'est habitué à penser, tu penses. C'est le voyage qui se met à la je commence à avoir du monde. Je voyais du monde partout. Il n'y a personne dans la salle. Je voyais du monde partout. Non. J'étais pas fourré. J'étais pas fou de même. C'est ça. La racine de Dieu, la racine de Dieu. La racine de Dieu? Oui, la racine de Dieu. Il y en a fait une, la racine de Dieu? Oui, quand vous êtes, par exemple, des gens que vous allez reconnaître, sur le plan mental, ça va se passer, au niveau de l'oreille, au niveau que tu Je me rappelle plus de la cassette. La manière de lui reconnaître, de reconnaître, vous dites qu'on reconnaîtra ces êtres-là. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, par la lumière qu'ils auront dans le front. Ça va être des gens avec ces gens-là travailleront avec vous. Il est reconnaissé par le bien et qu'on a le temps. Oui, j'aurais bien mieux aimé être un maître. Mais plus l'humanité. Parce qu'un maître, c'est plus plaisant. Un maître, quand tu fais un travail de maître, c'est plaisant parce que tu nourris le corps de tes vies qui est plus grand. C'est pas un travail de destruction, c'est pas plaisant, parce que tout après des trucs, tu nourris le moins possible. Tu nourris en faisant des nouvelles formes, parce que... Le moins possible, c'est tout, faire un petit peu de connaissance. Du bruit. Ça que je vous avais éventuellement apporté rien que le niveau vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nous. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber. Là, vous grandissez. Alors, ça change vos vibrations. Il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça vient. Puis après, ça vient. C'est quand même étonnant, hein, que tu dis que le mot détruit, c'est une chose, c'est un petit peu qui est bien là. une série des choses de mettre à partir des portes des Mais je l'emploie le mot parce que c'est ça, c'est détruire des parts pour en créer des nouvelles. Il faut être en dehors de la forme pour pouvoir la détruire. Ce que font les forces, ce que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la part pour emprisonner l'homme dans la part. C'est pour ça que souvent, quand quand je communique avec des gens qui ont des contacts, ou des gens négatifs, là, même pas, je comprends, même pas. Des fois, ils sont bêtes. Ils ne peuvent pas me les penser. Parce que je détruis les femmes dont eux se servent pour maintenir l'homme sous leur domination. Il y a une fois qu'il disait, il répond, qu'est-ce qu'ils se prennent? Parce que lui, il est dans l'esprit de l'attitude. Ensuite, j'ai demandé, Mandidon, s'il peut me mentir, il dit, mange la marque! Alors ça, j'ai dit, Mandidon, si je suis bon ou je suis mauvais, j'ai répondu. Ça, j'ai dit, Mandidon encore, s'il peut me mentir. Là, il a dit, non. Là, il a dit. Et j'ai dit, m'en dis pourquoi? C'est là qu'il dit, la lumière. Il répondait, il n'y a pas de bilan de lumière, il n'y a pas de bilan de lumière. On avait un moment donné qu'il était fier de ce qu'il avait fait.